Je vois personne en retard ici. Personne. Nous sommes le 28 septembre. Vous écoutez, on a juste une vie, épisode 171. Je suis Narf. Et je suis Anne-Marie. Et c'est tout. C'est tout. Parce que, ben, c'est voilà. Ça, c'est moins qu'on marche. C'est nous. Là, à soir. Anne-Marie. À soir, on a joué à rien. Genre, moi, j'ai joué à installer un disque dur SSD, puis j'ai fait des games de Hot pour le tester. Puis j'ai joué un petit peu à The Witness, mais j'ai en fait 10 tableaux, fait que, genre, rien. Non, mais c'est correct. The Witness, moi, je trouve qu'il faut pas que tu joues trop longtemps, parce qu'après ça, tu te fâches. Tu joues un peu, jusqu'à ce que tu réussis un peu, fait que là, tu te trouves bon, puis là, tu passes à d'autres choses. Parce que si tu joues beaucoup, tu vas jouer jusqu'à ce que tu te trouves vraiment poche, puis là, tu vas te coucher malheureux. Ouais, non, j'ai... Non, j'ai fait... Mais c'est parce que j'étais vraiment fatigué. C'était une des journées en fin de semaine que j'ai été réveillé par les camions de construction de bonne heure. Je m'étais couché tard la veille parce que j'avais sûrement des bonnes raisons, genre faire mes combats de Clash Royale pour avoir mon coffre. Ouais. Ou jouer à Hot. Pour tester ton SSD. Ben non, j'ai installé. J'ai fini de l'installer. Oh, Anne-Marie. Raconte-nous ça. Oh, Anne-Marie. C'est si compliqué que ça. Mais là, après avoir finalement commandé tous les bons fils et les avoir reçus, j'étais très content. Là, je l'ai installé. Puis là, c'était pas. J'étais un peu surpris parce que tu le branches, puis là, dans Windows, il y a rien. Puis là, foulu. J'étais comme. Google, j'ai branché un SSD et il se passe rien. Puis là, les gens sont comme « Ah, j'ai branché un SSD! » Puis là, il se passe rien. Puis les gens sont comme « Ben, faut que tu le formates. Faut que tu ailles dans le gestionnaire de disques. » Je suis comme « Hein, il y a ça sur Windows? Enfin! Il y a ça sur Mac, ça fait genre 20 ans! » Ouais. Ah oui, il me semble que là, encore pas longtemps, dans Windows, il fallait que tu passes par les lignes de commande pour formater, puis faire tes affaires de disque dur, là. Ah ouais? Ouais. Ben non, il y a tout le temps eu l'option de formater, ça. Excuse, j'ai ajusté mon pied de micro. Mon dieu, t'es muté! Oui, non, je sais, c'est parce que si je gosse avec mon pied de micro, avec le micro ouvert, ça fait ouais, comme... Bling, bling, bling, bling! Là, je viens de le faire, fait que... On apprécie tout ce que Ouais. Fait que ça allait, tu sais, j'ai dans Windows, puis là, je suis comme, oh, je vais utiliser mon affaire, j'avais une patente pour tester la vitesse du disque, là, c'est comme, wow, ça va vite, c'est nice, puis là, je mets des fichiers dessus, puis là, je suis comme, oh, ça va vite, c'est nice, puis là, bon, ok, mais là, c'est pas ça que je voulais faire, parce que moi, ce que je voulais faire, c'était une patente dans mon ordi qui s'appelle le Intel Rapid Storage. T pour technologie, peut-être? Attends, je vais vérifier. Technologie de stockage Intel rapide. Rapide, pas de E. C'est comme un nom de commerce. C'est rapide. Rapid. Je voulais vraiment faire marcher ça parce que ça, c'est comme... Ce que ça fait, c'est que t'as juste un disque dans ton ordi. Fait que tu vois pas le SSD comme étant un disque. Par contre, il cache les données dessus. OK. Pas caché comme dans les... plus les voir, mais plutôt comme il va les mettre... Il va les mettre en copie. Il détecte les fichiers pis les trucs que tu utilises souvent, puis il va les mettre sur le disque SSD. Fait que quand tu veux demander un fichier, il check d'abord sur le SSD, ce qui prend un tiers de milliseconde. Puis il fait comme, ah, je l'ai sur le SSD, tiens, le v'là. Puis là, okay. S'il l'a pas sur le SSD, il fait, ok, je vais aller le chercher sur le disque, ta minute, ça va être long. Parce que même ça marche des disques durs. Puis, fait que, c'est pour avoir finalement réussi à le faire marcher, ça c'est comme si j'avais un SSD. Sauf que j'ai pas de SSD. Ben, oui, j'ai un normal. SSD. Mais, genre, aurait fallu que je réinstalle tout Windows, genre, Ouais, sur le pour ça, SSD, je que me je le disais. migre, aurait fallu que je bouge mes fichiers, parce que là, j'ai ben trop de stock pour mettre un terabyte sur un SSD de combien? 250 gigs. Et c'est pour ça Fait que que... j'attendais la suite, parce que quand t'as dit, je sais pas quoi faire quand j'installe un SSD, mais dans ma tête, c'était, t'installes Windows, tu sais. Ouais, non, Mais justement. c'est ça, t'as pas eu à faire ça, T'as c'est cool, pas ça. besoin de faire ça. Mais Une fois que... Intel, ça te donnerait avec ton motherboard, si t'avais comme déjà un outil Intel, ça te donnerait avec C'est... ton ordi. Oui. Ok, C'est c'est ça. les motherboards d'une certaine génération, là, mais comme mon ordi date de genre 2011, j'imagine que tous les ordis récents ont cette affaire-là. Pour autant que tu as un processeur Intel, j'imagine. En fait, je sais pas, parce que moi, des affaires de motherboard, je connais fuck all là-dedans. C'est ça la vérité. J'ai passé comme Non toute plus. ma soirée hier au complet, là, genre, à essayer de comprendre Tu comment faire cherches de ma. nouvelles affaires? Mais c'est parce que normalement, tu branches le SSD, là, tu t'en vas dans l'outil de stockage rapide d'Intel, puis là, tu dis, je veux accélérer. Puis là, il dit, quel disque veux-tu accélérer? Tu dis, mon gros terabyte. Avec quel disque veux-tu accélérer? Mon petit SSD. Puis là, tu peux lui donner un range là, pour dire, genre, je veux utiliser juste un petit peu du SSD ou tout le SSD, ou en tout cas. Puis là, tu fais, OK, c'est supposé marcher. Puis quand j'ai finalement réussi à le faire, c'est effectivement juste ça. Puis là, tu fais, c'est tout? Et là, tu sais, comme, il n'y a rien qui me dit que mon ordi va plus vite. Puis là, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu rebootes. Puis là, ça prend autant de temps que d'habitude. Puis là, tu fais, ah oui, c'est vrai. J'avais lu sur Internet, la première fois, il ne sait pas c'est quoi les fichiers que tu utilises souvent. Ils sont pas encore en cache. Fait que là, tu fais, OK, je vais rebooter encore. Puis là, tu rebootes, puis ça fait comme, boum! Puis là, tu fais, holy fuck, qu'est-ce que c'est ça? Mon ordi, maintenant, la partie la plus longue de le booter, c'est de rentrer mon password parce que c'est un long password. Je sais pas pourquoi j'ai pris un aussi gros mot de passe. C'est un peu. Password sur ton ordi de la maison. Je suis pas aussi sécuritaire que ça. Ben, c'est l'ordi. Il faut que tu en mettes un, là. Sinon Windows, il te laisse pas faire un paquet d'affaires. Ben Je sais non. pas. C'est peut-être juste moi. Il n'y a pas de mot de passe. Ben ouais, je pense qu'au début, il m'a demandé de rentrer genre mon compte Hotmail, Outlook. Puis après ça, il me demande plus rien. Ah, OK. En tout cas, Ah non. moi, il m'a Je demandé un mot de suis passe. Puis là, justement, j'étais en train de me dire peut-être que je devrais l'enlever, là. plus ça. Moi, je trouvais que c'était une perte de temps, là. Ben, c'est pour ça que je l'ai pas, là. Ou en tout cas, choisir un mot de passe moins long. Ça, je devrais. Le problème, c'est. Non, mais c'est parce que ça, c'est mon truc. C'est quand je change mon mot de passe de Gmail, je prends tout le temps des mots de passe compliqués. Puis comme je veux pas l'oublier, parce que tu sais, dans Gmail, tu le rentres pas si souvent que ça. Parce qu'il s'en Ouais, rappelle tout le temps partout. Fait que je le mets comme mot de passe d'ordi. Fait que là, j'ai besoin de le rentrer souvent. Fait que je le retiens dans ce temps-là. C'est mon truc. Hein? Fait que, ouais. Ça marche en tabarnouche, cette affaire-là. C'est vraiment impressionnant c'est comment que ça efficace. accélère mon ordi. Mais sans avoir la limite d'espace parce que mon. J'ai juste 250 gigs, mais là, j'ai comme 1 TB de SSD. Mais ça m'a juste coûté 100$. Après ça m'a coûté toute ma Bon, ça. maudite soirée pour le faire marcher parce que, genre, au début, je le faisais, puis là, il le fait, puis là, ça dit, il y a une erreur. Je disais, merci. Puis là, ça dit, cliquez ici pour plus d'informations. Là, tu cliques là-dessus, ça ouvre le help. Ça dit, ah, il y a une erreur. Essaye de relancer, de fermer puis de réouvrir le programme. Si ça marche pas, essaye de rebooter l'ordi puis recommence. Là, tu fais tout ça fait fuck all. Puis là, tu sais comme, c'est tout, c'est la seule option que vous avez. Là, tu cherches dans Google. Ah, oh, j'essaye de le faire l'activer, mais ça marche pas. J'ai le message d'erreur. Puis là, tu tombes sur des gens qui te disent des manœuvres compliquées. Puis là, ils font resetter des affaires dans le BIOS. Puis là, tu passes 10, mm. 2 heures à chercher comment rebooter dans le BIOS sur Windows 10. Puis comment accéder à l'écran des raids dans Windows, puis, là, puis sur mon Alienware, puis là, c'est, ça marche pas. Puis là, tu es comme, pourquoi je suis pas capable? Puis là, c'est parce qu'il y en a pas, j'en ai pas de besoin. Mais le gars, il disait, ben, va resetter ton raid. Puis là, j'étais comme, 2 heures de perdu à essayer de resetter mon raid pour finalement me rendre compte que j'en ai pas. Quoi, je peux pas les resetter. Ça, je n'ai pas besoin. J'étais comme, ah, ça a l'air qu'il faut que je fasse du raid, là. Faut que je mette mes 2 disques en raid, ça a l'air. Non. Mais non. L'outil le fait pour toi, genre. C'est ça qu'il fait. Okay. Mais justement, t'as pas besoin de le faire. Full de temps perdu. Quoi. Finalement, c'était quoi le problème? Le problème, c'est que, ah ben, les drivers, ils ont changé dans Windows 10 puis ils sont pas vraiment compatibles. Solution, installe Windows 7 ou 8 puis hein? Là, tu vas pouvoir le faire dans Windows 7. Puis là, après ça, ben, la partition des deux ensemble va fonctionner encore. Là, j'étais là comme, oh, sérieux, faut que j'installe. Vas-tu pouvoir l'installer sur un autre disque temporaire, genre, juste pour le faire? Puis là, après ça, il y avait quelqu'un en dessous qui disait, oh non, t'as pas besoin. Si t'installes le vieux driver louche, machin, ça va marcher. Là, j'étais là, j'aime ça installer des drivers. T'sais, c'est quand même, tu le ramasses sur le site d'Intel, puis là, tu le pars, puis là, ça dit, vous avez c'est une version antérieure, vous ne devriez pas l'installer. Puis tu es comme, on va essayer quand même. Puis là, tu l'installes, puis là... T'aimes ça, vivre dangereusement. Et là, ça a marché. J'ai réussi à créer la partition. Oh, ben, tu fais, oh, nice. Vite, j'enlève le vieux driver, je l'update au nouveau. Ah, phew. Et là, ça a tout marché. Et là, ça marche. Là... Mais sauf que j'ai fini ça à genre 1h du matin hier soir. Puis mon insomnie m'a réveillé à 7h ce matin. Mais non. Fait que je dormis genre 6h30. Ouais, c'était pas cool. Tabarouette! Ça doit être toute une aventure. Des ça me fait réaliser à quel point je suis genre vraiment chasseuse d'avoir un champion coloc qui savent tout comment ça marche, ces patentes-là. Parce que dans le fond, je le sais pas. Mais tu dis ça, mais... Parce que tu dis ça comme si je le savais. Mais non. Mais non, mais c'est ça, t'as cherché. Puis genre, si j'aurais voulu faire pareil, je me serais ramassé à chercher de même aussi. T'sais. Mais c'est fait que c'est ça. J'ai appris. J'ai googlé tous mes problèmes. Puis t'sais, ça dit genre... Tu sais, souvent les étapes, ça assume que tu sais des affaires. Puis là, ça dit reboot en raid. C'est genre des hardware specialists qui parlent des hardware specialists. OK. Ça dit CTRL-I. Fait que là, t'essayes CTRL-I dans Windows, dans l'interface. Ah, oui, non, OK. On va rebooter. On va essayer CTRL-I pour ça. Je n'avais pas cette interface, mais... Fait que là, tu cherches comment rebooter en safe mode. Non, pas ça. Comment rebooter dans le BIOS? Là, ça dit de quoi? Puis là, ça marche pas parce que t'es sur Windows 10, puis Windows 10, comme il skip des étapes. Fait que là, tu fais Windows 10 reboot to BIOS. Puis là, tu te rends compte qu'il y a un raccourci dans Windows pour le faire. J'ai appris plein de choses, mais c'était... Puis là, j'écrivais... J'ai jamais touché à ça, je trace pas ça. À ma blonde. Ben, moi non plus, ça me faisait full peur d'aller gosser dans le BIOS. Mais là, pour avoir passé toute la soirée hier soir, je suis comme, ah, rien là. C'est comme... C'est moins pire. C'est bien, c'est... Ben, à une certaine époque, c'était vraiment compliqué. Là, c'est rendu assez facile. Ben, y a-tu une interface à cette heure? Parce que dans le temps, il n'y en avait comme pas non plus, là. Ouais, ouais. Okay. C'était écrit Alienware en haut, là, puis c'était laid, mais c'était ouais, c'est ça, c'est pas fait pour... Je pouvais utiliser la souris, là. Ça allait mal, mais je pouvais. Okay. Genre, parce que la vitesse était comme trop rapide ou trop lente, puis le curseur était laid, mais bon. Cas, ah, mais ouais, c'est comme par défaut, là, c'est pas fait pour être utilisé. Puis là, ma blonde, j'écrivais ça à ma blonde le matin. Puis je disais, bon, j'ai finalement réussi à faire marcher, puis là, j'ai raconté tous mes problèmes. Elle a dit, mais là, tu dis ça, mais t'aimes ça, dans le fond. Oh! Puis là, j'étais comme, non. Je disais, oui, je suis content que ça marche. Ouais, mais, c'est ça. Mais la métaphore, c'est comme avoir une épine dans le pied. Une fois que tu l'enlèves, t'es content de plus l'avoir. t'es content de l'avoir enlevé. Mais c'est vraiment chiant d'avoir une épine dans le pied. C'est pas le fun de l'enlever. C'est juste le fun quand t'es parti pis ça fait plus mal. Mm-hmm. Fait qu'activer cette affaire-là, c'était juste le fun une fois que c'est activé pis que là, ça va vite. Voilà, c'était mes aventures d'ordi. Prochaine étape. Et là... Ah, oui. Oui, qu'est-ce que t'allais dire? Non, j'allais dire, mais là, ça fait-tu une différence dans Hot? Je l'ai juste ouvert une fois à date, fait que non, pas encore. Ah, ça se peut que ça fasse pas comme full différence. Ben, à Job... à Job, ils nous ont dit, OK, vous avez deux disques durs, vous mettez Windows et vos applications sur le SSD, puis le... si vous installez des affaires, vous les mettez, des jeux, mettons, mm-hmm. des gros fichiers, vous les mettez sur le gros disque dur, pas SSD. OK, ouais. Puis c'est ça, je fais. Le projet, genre, les fichiers de développement, c'est assez gros, ils disent, mettez-les ouais. sur le gros disque. Puis c'est ça. Bah, moi j'ai triché. Ah! J'ai mis Hot sur le SSD. Et j'étais tanné que le projet prenne 2 millions d'années à compiler. Fait que je l'ai mis sur le SSD aussi. Ah ben si ça rentre, écoute. Ben ça rentre. Bon, ça rentre flush. Puis je pourrais là, il est encore pas trop gros parce qu'on est encore assez tôt dans le développement. Mais je suis sûr que d'ici Noël, ça rentrera plus. Bon, rendu là, peut-être que les devs vont avoir amélioré les systèmes de compilation pour que ça prenne pas 15 minutes à chaque fois. Mais oui, Hot sur le SSD, ça va vite. On s'entend, il y a des choses que ça accélère pas. Hein, t'sais. Ça va pas accélérer ton Internet. Bon, ça c'est un peu con à dire parce qu'à Job, on a un Internet de feu. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt, mettons, s'il faut qu'ils se connectent sur le serveur de Blizzard puis que Blizzard prend du temps à répondre, ben ça va pas plus vite. Fait que booter le jeu, je vois qu'il y a certaines étapes de quand je lance le jeu qui sont vraiment plus vite. Mais les étapes genre connecting to Blizzard, Battle.net, ça prend le même temps qu'avant. Mm-hmm. Après ça, quand tu pars... C'est leur serveur. Ouais. Quand tu pars un match... Je m'attendais à ce qu'en trouvant un match, genre, tu vois les progress bars de tout le monde pour savoir c'est qui fait que le match commence pas tout de suite parce que tu vois tout le monde loader. Je m'attendais à ce que moi, ma barre, elle fasse comme « Haha! Boing! » Mais genre, elle load un petit peu plus vite que les autres, mais pas tant que ça, ce qui me fait comprendre que cette progress bar de loader la map, c'est pas vraiment juste loader la map, ça doit être aussi genre connexion avec le sync avec le serveur. Mm-hmm. Pour que le jeu soit synchro, ça doit être probablement créer une place sur le serveur pour que tout le monde se connecte dessus, créer le match dans le fond. Mm. Puis tout ça, c'est plus long. Je sais pas. C'est mon guess. Fait que oui, ça va plus vite. Grosso modo. Puis j'imagine que si je mettais un jeu single player, je suis sûr que ça irait pas mal plus vite. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Pas à attendre après le monde. Alors voilà, c'était mes aventures de SSD. Et là, la prochaine étape, c'est la carte graphique et le power supply. Uh-huh. Comme je racontais la semaine passée. Pour plus d'aventures de Narf, installe les morceaux d'ordi. Écoutez le podcast de la semaine passée, j'en parle pendant genre une heure et demie. Mm-hmm. Probablement 20 minutes, là, mais... Ouais, c'était quand même long. Toi, t'as-tu joué à des affaires cette semaine? Quoi, j'ai joué cette semaine? T'as joué à The Room, t'as écrit sur la feuille de route. Ouais, j'ai joué à The Room 2. Mais c'est pas bien long, là, mais c'est toujours aussi satisfaisant. T'avais-tu déjà joué à The Room? Tu l'as fini au complet déjà? Ouais, ça prend juste une coupe d'heure. Ben, moi, ça m'avait pris beaucoup de temps à faire The Room 1. Ah, The 1? Le 1, je sais plus. Et moi, je commence à être un peu habitué dans les jeux de puzzle, peut-être. Là. Hmm. Mais à un moment donné, quand t'en fais beaucoup, tu commences à maîtriser un peu Mais je sais pas, je vais aller voir sur Steam combien de temps ça m'a pris de faire le 1 puis le 2, mais j'ai tendance à laisser mon jeu ouvert et aller faire d'autres choses, fait que c'est pas toujours bien bon. C'est comme Mais les gens qui font des mots croisés en genre 10 minutes, puis je suis comme What? ouais. What? C'est quand même impressionnant. The Room, The Room, The Room, The Room. 2 heures de Room 1, 2 heures de Room 2. Ouais. C'est assez constant. Mais moi, je comprends pas, parce que c'est des jeux de iOS, puis il y avait ouais. beaucoup de multitouch, il y avait beaucoup de, genre, incliner le device, puis des choses comme ça. Ben, mettons que c'était clairement un des points que j'allais amener, là, comme... Ça a l'air d'être vraiment satisfaisant de jouer sur un iPad. Tu joues avec ta souris, là, puis tu dis, il me semble qu'avec mes doigts, là, ça serait vraiment plus le fun. Mais c'est quand même... Je veux dire, c'est pas pratique de quand t'as, mettons, un coffre qui s'ouvre, puis là, t'ouvres le couvercle du coffre avec ta souris, tu sais, c'est pas pratique parce qu'il faut que tu dragues, tu cliques longtemps avec ta souris, ça va pas super bien. Mais c'est quand même, c'est le fun de voir toutes les choses qui sont tactiles dans The Room, parce que tu peux taponner plein d'affaires, puis des fois, c'est ça, tu sais pas t'es rendu où dans le puzzle, mais c'est juste parce que t'as pas remarqué qu'en cliquant puis en taponnant, tu pouvais ouvrir des choses ou... Fait que tout est tellement tactile, c'est ça que j'aime de The Room. Puis c'est ça, ça m'a pris juste 2 heures, mais... Ah, c'est parce que c'est vraiment bon, puis ils sont pas chers non plus, là. Mais crime que j'en prendrais encore bien plus que ça. Mais je suis sûre que ça leur prend plein de temps à faire des niveaux, là. Mais parce qu'il y a tellement de travail. Il y a tellement d'amour. Pour que ça soit super polish de même, ouais. Ah, c'est vraiment polish, c'est vraiment beau. Le 2, il me semble, j'avais l'impression que dans le 1, je me rappelais pas qu'il y avait comme des jumpscares ou un côté vraiment horreur qui essayait de te faire sentir mal, mais comme dans le 2, là, ouh! Ouh! Ah ouais? Ouais! Comme, il y a des trucs qui flashent pis tout, on dirait qu'il essayait vraiment plus de mettre un aspect, un petit aspect horreur, là. J'étais comme, mais ça, je me rappelais pas de ça dans The Room. Non, il y avait vraiment mais c'est ça, c'est comme entre les pièces, dans le fond. Les choses se mettent à flasher, puis des trucs qui apparaissent dans ta face, puis tu changes de pièce, en tout cas. Mais chaque pièce, chaque puzzle, c'est encore plein d'objets super satisfaisants à tourner autour, puis à manipuler, puis à essayer de trouver toutes les petites... C'est tellement... Ça m'impressionne, parce qu'ils vendent juste comme plein de petits coffres avec des petits trucs que tu peux slider, puis ça ouvre quelque chose qui ouvre une autre affaire, puis tu peux tourner, puis c'est vraiment, vraiment bien fait. Genre, c'est juste satisfaisant comme puzzle, parce que c'est pas juste un puzzle qui est dans ta tête, puis là, t'écris la réponse sur ton ordinateur, tu manipules vraiment les choses. Fait que je suis sûr que sur iPad, c'est super le fun. Oui, c'est un jeu pour taponner, même en VR, ce serait malade avec les manettes pour taponner puis ouvrir des trucs. Super cool! The Room en VR. Faut que tu changes ta perspective souvent pour voir les choses. Puis... Oh, man, oui! Oui! Oh, oui, ça serait tout hot! Autour, pour voir différentes affaires. De... Ouais, ce serait vraiment malade en VR. Ah, oh, puis là, tu pourrais tourner autour de la boîte pour vrai. Oui. Puis le taponner, le poker partout, puis tourner les petites... Il faut qu'il fasse ça. Ouais, ça serait vraiment parce que, genre, sur iPad ou sur téléphone, je sais plus sur quoi j'avais joué. Il y avait certains qu'il fallait que j'utilise 2 doigts ou 3 doigts. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, c'est ça ma question tantôt. J'étais comme, comment ils font ça avec une souris? Tu peux pas faire du je pense pas qu'ils le font de bord. Puis comment, il y avait des puzzles aussi, il fallait que je penche mon téléphone pour que là, la bille, elle roule dans le trou, mettons. J'imagine que là, ils te le font faire avec la souris aussi. Ouais, sûrement. Mais là, imagine, tu pourrais pogner la boîte. Ben oui. Puis la tourner. Avec les manettes touch, ouais. Genre, la pencher littéralement, puis là, tu fais... Oh, la petite bille, elle bouge. Ah, puis là, tu fais clic, clic. Oh, je l'ai mis dans le trou. Yes! La boîte. Tu pourrais vraiment tourner tout le tour, puis te promener dans pièce. Parce que là, t'as comme un point de vue fixe sur la pièce. Je sais pas si t'es comme ça sur l'iPad, mais sur l'ordinateur, tu sais, mettons que tu zoom out... T'as comme un point de vue dans la pièce, tu marches pas vraiment dans la pièce. Genre, tu zoomes sur des endroits différents, mais quand t'es zoom out, c'est un point de vue fixe. Je sais pas, je me souviens plus si je... Quand... Parce que je pensais que je pouvais retourner la boîte, mais est-ce que je tournais la boîte ou je tournais moins autour de la boîte? Ça, je me souviens. Ah ouais, dans The Room 1, en fait, je pense que c'est juste tout le temps, c'est un objet au centre de la pièce, hein, ça se peut-tu? Ouais. Ok, parce que dans The Room 2, tu te ramasses dans une pièce, puis tout est noir, sauf qu'il y a une zone devant toi qui est éclairée, mais tu vois qu'il y a comme des meubles dans le noir tout autour de toi. Puis en finissant en faisant une coupe de manipulation sur l'objet qui est devant toi, ça éclaire un autre côté de la pièce. Puis là, tu peux zoom out, puis là, zoom in sur un autre objet qui est dans la pièce, comme une autre table avec un truc dessus. Puis là, tu fais des trucs dessus, puis là, ça peut te permettre de débloquer quelque chose dans le premier. Puis là, tu continues à faire, genre, à ouvrir plus de sections de ta boîte. T'es-tu en train de me dire que le gars... C'est un horloger rendu là pour quelqu'un qui manipule des objets de main. C'est un horloger que là, il se dit pour ouvrir cette belle œuvre, cette belle sculpture, il me faudrait mes pinces à sourcils. Où ai-je donc mis mes pinces à sourcils? Ah oui, c'est vrai, je l'ai mis dans le meuble là-bas dans lequel j'avais mis un puzzle. Oui, c'est ça, c'est un super puzzle pour trouver ta bourse. Je résoudre le puzzle pour retrouver ma pince à sourcils et aller l'utiliser sur mon horloge. Ah, où ai-je donc mis mon marteau? Ah oui, je me souviens, j'avais mis un cadenas sur mon coffre à outils avec un code. Le code était caché dans une lettre que j'ai reçue par la poste. Qui est quelque part. What the fuck? Caché dans un tiroir avec un puzzle. C'est sûr, c'est ça, c'est tout le long, là. Parce que, mettons, la première affaire que tu vois, là, c'est ça, t'ouvres tous les trucs que tu réussis et que tu peux être capable d'ouvrir, tous les petits puzzles que tu peux faire. Puis là, tu vois qu'il reste comme plein de sections. Que tu vois qu'il y a une charnière ou qu'il y a une coupure, ou tu sais que ça s'ouvre, mais tu sais pas comment l'ouvrir. Fait que là, c'est ça. Ça va être un autre endroit dans la pièce qui va s'illuminer, puis là, tu vas revenir, puis tu vas te promener d'un à l'autre. Ah, fait, je me rappelais plus que le 1 était pas de même. Ça fait un bout que je l'ai fait, mais c'est ça. Le 2, dans chaque pièce, plus ça va, puis plus t'as différentes sections dans la pièce. Puis ben, c'est vraiment le fun. Mais c'est ça, c'est full tactile. C'est ça qui est satisfaisant, parce que là, j'en fais beaucoup des puzzles, là, mais comme souvent, c'est... Tout se passe dans ta tête, là. T'es pas après manipuler des choses. C'est le fun. Puis là, t'as ton eyepiece aussi, là. T'as, dans le 2 aussi, t'as encore l'espèce de vision bizarre qui te permet de voir tes trucs, des symboles et tout, que tu vois pas avec tes yeux normalement. Ouais, c'était cool. Tu scannes tout avec ton petit monocle pour voir s'il y a pas quelque chose d'écrit. Puis souvent, c'est comme des indices, fait que c'est le fun. C'était cool parce que ça reprend... Tu sais, dans le fond, c'est comme un point-and-click adventure game sans dialogue. Oui, oui, oui. Mais ça raconte une histoire pareille. Oui, parce que t'as des lettres, là. Ça, tu fais le même genre de manipulation, mais je pense qu'ils ont été quand même assez... Comment dire? Ton inventaire... T'sais, alors qu'il y a des jeux, c'est comme... Faut que tu cliques sur toutes les affaires, puis là, t'as un inventaire qui se gonfle, puis là, t'as plein d'items inutiles ou utiles, puis là, faut que t'essayes tout sur tout, puis là, ça prend genre full de temps à cause de ça. Non, c'est clair que les autres sont comme pas d'accord avec cette idée-là d'essayer tout sur tout. Là, c'est comme t'as une lentille. Fait que t'as soit que t'utilises pas de lentille ou t'utilises la lentille. That's it. Ça, tu vois, je trouve ça cool. Ben, t'as un inventaire? Mais ça, t'avais un inventaire dans le 1 aussi. Non. Ah, pour vrai, là, t'as quand même des objets que tu peux... Oui, c'est ça, t'en avais un, puis tu pouvais zoomer sur les objets, puis les tourner, puis les manipuler. Mais genre, des fois, t'allais avoir une clé. Ouais, mais c'était assez limité, puis d'habitude, c'était assez évident de savoir... Ouais, ouais, parce qu'il fallait, je pense, ramasser des... Mettons, une roue, puis là, la placer à la bonne place. Ouais. Mais c'est ça, mais c'était assez pas limité, puis c'était d'habitude assez facile de savoir, genre... OK, là, j'ai finalement la roue qui me manque. Je sais exactement où la placer. Parce qu'il y a un spot où, genre, tu cliques dessus, puis ça te dit, on dirait qu'il y a une roue qui viendrait ici. Puis tu fais, ah. Ouais, ouais. Ah. Mais ça aide quand même, parce que c'est pas évident. C'est pas facile. Bon. Mais c'est vraiment le fun, The Room. Puis c'est qui est cool, comme tu dis, c'est comme un point-and-click aventure, mais comme... À cause de leur concept, tout se passe dans une pièce. Fait qu'ils n'ont pas eu besoin de créer plein d'environnements. Là. Ils en créent un, mais il est super complexe, super satisfaisant. Super détaillé. Ouais. Ouais. C'est vraiment cool. Mais genre, j'en prendrais plein d'autres épisodes de The Room. Là. J'en ferais plein. Ben, il y en a un 3, je pense. Y a-t-il un 3? Ben, en tout cas, sur mobile, il me semble que oui. En vrai? Sur Steam, je suis pas sûr. Ah, ben là, sur Steam, je sais pas. Mais t'as un bon téléphone. T'as pas de raison. Ouais. Ah, sur Steam, il y en a juste deux. Il y a The Puzzle Room VR, mais... c'est un Escape the Room. Ah non, c'est vraiment pas si beau. C'est vraiment pas si beau. Ouais, ben, on s'entend qu'en VR, tu peux pas avoir autant de fidélité que sur un téléphone HD, genre. Ouais. Parce que... C'est comme... Mais Ah, ça fait beaucoup de pixels. il n'y a pas besoin d'avoir une grosse fidélité pour bien faire ça de Room of VR. Je pense juste si les boîtes sont aussi complexes et aussi intéressantes à manipuler. Moi, je pense que ça marcherait super bien. Ça prend. C'est parce que pour que ça soit beau, ça prend des matériaux super détaillés. Fait que genre toutes tes textures, les reflection maps, Le bois, la ouais, c'est ça. réflexion de la lumière dessus, puis la réfraction. Comment t'appelles ça? Genre quand la lumière touche un objet et là, ça rebondit sur l'autre objet à côté. C'est pas Genre. ça de la réfraction? Je Peut-être, mais il me semble que réfraction, c'est comme quand la lumière elle passe dans un trou, puis là, elle s'écarte. Peut-être, ouais. Je sais pas. Mais c'est pas de la Ouais, réflexion de bord, si elle va sur la mais c'est de la projection. réflexion d'un objet à l'autre. C'est pas comme genre un miroir, mettons, ou de l'eau. Ouais. Là, c'est plus comme la lumière est réfléchie d'un objet. Fait que c'est un mur rouge, pas un mur blanc. Ben là, la lumière va toucher le mur rouge, puis là, elle va aller comme rougir le mur blanc à côté. Puis on s'en rend trop pas compte, mais genre, quand tu regardes, tu sais, si tu faisais comme une photo de juste le mur blanc, tu ferais comme, hein, c'est vrai qu'il est rouge, mais parce que nos yeux sont comme tellement habitués, ils sont comme genre, non, non, il est blanc. Le mur, il est blanc. Voyons là, il était blanc ce mur-là. Mais C'est comme genre, la robe là. ouais. La maudite robe qui était noire et bleue finalement, là, puis sa photo là, elle avait vraiment pas l'air noire et bleue. Blanche et dorée. Ouais, elle avait vraiment l'air blanche et dorée. Maudite robe. Le monde entier s'est ostiné sur cette robe J'ai là. compris monde entier. Non, le monde entier. Hey, parlant. Il manquait le. Le. Ouais, j'ai peut-être dit ça un peu vite. Parlant de. Parlant d'ostinage, tu veux que je rentre dans le vif du sujet que je parlais tantôt Quoi, les sur nipples de Mario? Non, les Roggles. Mais les Les Nipples de Mario, Roggles! on peut y aller avec ça aussi. Alors, Je on en a comprends pas parlé. pourquoi le monde capote ces Nipples de Mario. Mais je pense parce que les personnages cartoon dans ce temps-là, il n'y avait pas de mamelons dans leur représentation. Mais il n'y en avait pas. Je veux Ouais, dire, c'est ça. c'est la première fois qu'on voit Mario pas de chandail. Non, mais ouais, mais pourquoi tout le monde capote? Parce qu'il voit Mario. Parce que Mario, là. T'as-tu déjà. Regarde, fais Mais je pensais plus l'exercice. que c'est parce que les bonhommes de cartoon, d'habitude, quand ils sont représentés pas de chandail, ils n'ont pas de mamelon. Oh, Je pensais que c'est peut-être. pour ça que le monde capotait, parce que genre, ah, pourquoi lui il en Peut-être, aurait? peut-être, mais en même temps, non, ils font comme deux petits points, puis that's it. Puis là, c'est ça qu'ils Ouais. ont fait. C'est pas comme s'ils avaient fait des mamelons ultra détaillés avec du poil dessus. C'est genre deux C'est ça. points. Je comprends pas pourquoi le monde capote. En tout cas. Mais c'est juste. Ben, c'est pas ça, Mario Shirtless, là. Mais j'ai bien aimé l'argument que ça aurait été vraiment plus cool, Mario, avec. Tu sais, un maillot comme dans les années 50, là, qui est comme une salopette avec des shorts, là. Avec des bretelles, là. Avec des rayures noires et. Avec des rayures blanches et rouges. Genre une espèce de leotard Oui. salopette qui te monte ses épaules, mais qui est Oui. comme ouvert en V jusqu'au nombril. Non, ben, non, pas tant que ça. Non, juste. Juste ici, là, sa poitrine, là, comme dans les années. Ah, Je sais juste pas, comme un années 50. chandail V-neck ultra bas. Non, mais avec des bretelles. Avec des bretelles. Ouais! Je sais pas, il y avait pas ça dans les vieux films dans le temps, là. Vieux maillot de bain pour homme vintage. Non, je sais pas, il me semble que moi aussi, j'imagine de quoi dans ma tête. C'est juste comme des shirts avec des bretelles. Telle, comme une salopette, genre, pis c'est comme rayé, rouge et blanc. Sans ça y aurait bien fait, Mario. Tu dis ça, puis là, j'ai comme un vague souvenir d'un épisode de Passepartout où Je suis sûr Passe-Montagne que était genre en maillot Mr. de bain, Bean. Ah genre. ouais? Ah ben yes, ça, je suis sûr que Passe-Montagne il y aurait ça. Je suis sûr que Mr. Bean, s'il va à la plage, il y a ça sur le dos, genre. Gars, on cherche Passe-Montagne en maillot. Ah, ben, j'en ai un ici, peut-être, mais c'est un chandail, c'est pas des bretelles, mais ça le fait, là. C'est dans le L'Internet me chandail. déçoit. Il me semble que Mario, je l'aurais vu se baigner avec ça. C'est comme juste un One Piece rayé pour homme. Bon, en ce moment, Google, la recherche me détoie beaucoup. T'as-tu vu ce que je t'ai envoyé? Non, là, je le vois. Ah, ouais. Ça, ouais. On va le décrire pour nos auditeurs. Imaginez un chandail. Comment t'appelles ça, un chandail avec un petit collet, là? Un polo? Un chandail manche courte, un polo, avec des petits boutons sur le devant puis un collet. Sauf que là, au lieu de s'arrêter comme un chandail, ça continue et ça se transforme en short, mais c'est Ouais. comme tout d'un morceau. Mais C'est tout c'est. rayé. Mais pas jusqu'en bas comme des. Comme une salopette qui descend jusqu'au pied. Non, non, non. Elle s'arrête au genou. Fait que c'est un polo costume de bain. Ouais. Celui-là, il est pas pire aussi. Il me semble que C'est ça. Mario, il aurait été beau dans quelque chose de vintage de même. En tout cas. Oula, est-ce qu'on y aurait vu le paquet de même? Ouais, c'était un peu intense. En tout cas. Ça aurait fait plus jaser que Sneeples, malgré Non. que Sneeples ont vraiment fait beaucoup jaser. Mais c'est parce que c'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mario, là, si. Prends une image de Mario, là. Ouais. Fais travailler ton cerveau pour l'imaginer, pas de moustache. Genre, imagine, enlève la moustache, là. Mon Dieu, pourquoi je fais ça? Mais oui. Il a de l'air d'un enfant. Il a de l'air d'un bébé. Ah, Genre, Baby oui. Mario, là, C'est sûr. c'est C'est Mario, pas de Mario moustache. avec pas de moustache. C'est tellement vrai, C'est par tout. Ils l'ont exemple. rasé. That's it. Bon, après ça, ils ont mis une couche, là, Ouais. mais. ils ont comme rétréci, C'est la même face. là. Ouais, c'est Fait que Mario, c'est un enfant avec une moustache. C'est un vrai. enfant déguisé en adulte avec une Mais c'est un bonhomme moustache. cartoon. Ils ont tout Fait que l'air de ça. je sais pas, les gens s'imaginent que parce que c'est un enfant, il n'y a pas de nez pas. Mais c'est pas vrai, les enfants. Au contraire, les enfants en bédaine, on s'en fout. Oui, c'est ça. En tout cas, Juste, tant qu'il n'y a je pas sais pas pourquoi le monde 10 capote. ans, on s'en fout qu'il se promène en bédaine. C'est vrai. Non. Bref, c'était drôle. Mais c'était pas ça la polémique que je voulais amener. Non, j'espère, parce que t'as essayé, Oh, là. y a pas de quoi faire un podcast avec ça. Pas de quoi. Non, c'était. On a juste une vie, épisode 171, spécial Les Nipples de Mario. Ah là là. 2 heures et demie de qualité Vous radiophonique. savez qu'on peut. Parce Mais qu'on peut. on peut. bref, Qu'est-ce que tu ouais, voulais ce qui. dire, oui? Ouais, mais je sais même plus pourquoi ça fitait dans ce que t'avais amené. Je pense que t'as juste dit, genre, y a-t-il encore une autre polémique sur les Roggles? Puis c'est la polémique cette semaine avec Fortnite qui décide de sortir un mode Battle Royale, puis Bluehole qui font Players Unknown Battlegrounds. Ils ont comme un peu capoté, genre, en disant que, ben là, Battle Royale, c'est un peu nous autres, là. C'est ce qu'on fait, là. Fait que c'est notre concept, genre. Puis, ben le gars que j'écoutais, Jeff Canata, il disait, tu sais, on dit des roguelites depuis des années, puisque t'as vu le gars qui a fait Rogue faire, guys, fais pas faire ces jeux-là, là. Je veux dire, Rogue, c'est mon concept, genre, fait que, fuck toutes vos idées, là. C'est moi qui ai inventé ça, vous pouvez pas faire ça. Puis, genre, le deathmatch, mettons team deathmatch dans un jeu multijoueur, c'est Doom qui a inventé ça, deathmatch. Puis, j'aimerais que tu vois le monde de Doom faire genre, vous avez pas le droit d'avoir des modes deathmatch en multijoueur parce que moi j'ai inventé ça. Tu vois pas ça parce que des concepts de game design, ça ne se copyright pas. C'est ça, dans le fond, Avec la ou polémique, sans là. bonne raison, parce que ça aurait pu le se le faire copyrighter, mais ça, d'habitude, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas eu encore un Disney qui est Ouais. arrivé en disant genre, ah non, on va copyrighter ça. Fait À que, date, il n'y en a pas. est-ce que les autres, ils voudraient faire ça? Sauf que l'affaire, c'est que le principe de Battle Royale que PUBG a, ça vient vraiment du film, là. Fait qu'ils peuvent comme pas dire on a inventé ça quand, genre, le nom vient d'un film qui s'appelle Battle Royale, puis c'était ça le Mais ils principe. n'ont même pas inventé ça, je veux Non, dire. non, non, mais non. Je veux Mais dire, c'est du deathmatch à plusieurs. c'est que t'es. C'est parce qu'apparemment, dans PUBG, t'es comme parachuté dans un endroit qui est déjà Ouais. désert. Puis apparemment, dans Fortnite aussi, t'es parachuté dans un endroit qui est désert. Fait que là, déjà, ils sont comme pas contents. Ben quoi, tu vas te téléporter sinon? Ouais, c'est ça. Ah, on peut t'amener en Change du monde faisait ça trottinette, aussi, c'est juste que c'est long. Mais c'est pas juste Deathmatch, c'est toute l'idée que genre il y a tant X personnes rentrent puis une seule ressort, puis la zone se resserre, genre la zone de jeu devient de plus en plus petite, fait comme ça tu gardes l'action, t'empêches les gens de camper. Ouais, ça, il y avait ça dans Mario Party, là. Mais dans Bomberman, m'excuse. La zone rétrécie, il y avait ça dans Bomberman au Super Nintendo. Mais c'est ça, c'est qu'une chance qu'il y a des concepts de jeu, on peut pas copyrighter ça, parce qu'après ça, il n'y aurait pas quelqu'un qui le ferait, mais en version meilleure ou en version différente, ou t'sais, qui ferait quelque chose de nouveau puis d'original avec le même concept, là. Fait que Je trouve c'est ça correct. drôle parce que tantôt, t'as dit un Doom-like. T'as dit un roguelike. Roguelike, même si Doom-like, là. Mais un Doom-like, jusqu'à dans les années presque 2000, on appelait ça un Doom-like. Tout ce qui était FPS. Genre, un FPS, c'était un Doom-like. Puis c'est uniquement, je sais pas, il me semble à partir Surtout de le roguelike, ils ont 2000. comme, il y a personne qui a fait l'effort de trouver un autre nom parce que c'est trop compliqué. Roguelike, c'est un. Non, non, non, il y avait quelqu'un qui avait trouvé un nom pas pire. C'était juste qu'il était un peu long. C'était un Mais c'est sûr. Mais c'est. Death Labyrinth. Ah! Un procedural Death Labyrinth. C'est cute, ça. Mais Parce ça que veut tu pas dire que meurs ça tout va le être un temps, labyrinthe. il est procédural, puis c'est un labyrinthe. C'est un donjon, ouais. Ben, un donjon, c'est un labyrinthe, là. Ouais, je sais pas, j'aurais peut-être plus dit Procedural Dead Dungeon, mais. Un dungeon, c'est un peu trop précis. Ouais, peut-être. Si tu le fais dans le futur, puis que c'est une station spatiale, pas un donjon. De toute façon, donjon, ça veut rien dire. Donjon, c'est comme une pièce, d'habitude. Ben non, un donjon, Hein? c'est pas une pièce. Ben. Ben ça dépend si tu perds le donjon dans un château médiéval, là, Les mais quand. vrais châteaux, là, il n'y avait pas Ouais, tant de ok. pièces que ça. Fait qu'il y avait tout quatre tours, quatre murs, une porte, puis un sous-sol. Puis ça s'appelait le donjon. Un donjon à la Donjon Dragon. Ouais, non, c'est C'est sûr. ouais. Là, c'est la C'est comme définition de. Mais un c'est Dragon devenu. Mais Lair. c'est un labyrinthe procédural. Ouais, peut-être. Peut-être. C'est un En plan. tout cas, c'est la grosse polémique de la semaine. Mais ce qui arrive, c'est que les gens qui font Fortnite, c'est les gens qui font Unreal Engine 4. Puis PUBG, c'est codé en Unreal Engine 4. Fait qu'en fait, ils ont travaillé back and forth avec les gens qui font Fortnite tout le temps pour faire leur jeu. Fait que les gens qui font Fortnite sont comme tout au courant des améliorations qui ont été apportées, puis des assets qui ont été créés dans Unreal Engine pour permettre le Battle Royale. Fait que là, ils ont comme vraiment peur qu'ils aient juste pris genre les assets de PUBG puis qu'ils aient fait leur jeu avec ça. Ça What? fait. Ouais, Hey boy. c'est Ça, vraiment c'est intestin, pas là. comprendre comment ça marche faire des jeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas Ben si c'est là. entre eux autres, là. C'est genre, moi, je sais Yo. pas trop, là. T'as Mais. fait tout ton jeu, t'as tout ton pipeline, puis là, une autre équipe qui a un pipeline complètement différent, tu penses que tu vas pogner ça, puis foutre ça dans ton jeu Ah, direct de ouais, non. même, puis ça va marcher? Pas sûr. Jamais de la vie. Mais c'était plus l'idée qui disait, genre, ben, c'est quoi, genre, on a travaillé avec vous pendant des années pour faire ça, puis là, vous volez notre marché. Mais Donc, je je pense que comprends pas, genre. c'est plus ça. Mais l'équipe de PUBG, ils utilisent l'engin, mais ils n'ont pas donné le code source à Unreal, à Non, il avait Epic. juste l'air de dire qu'il avait comme travaillé. Ah, Epic, c'est ça. Il avait juste l'air de dire qu'il avait comme travaillé back and forth avec les autres pour comme optimiser pis tout. Ah, oh, ouais. Ouais. Fait que ça fait jaser. Mais c'est du bon de Bluehole qui fait PUBG qui a genre comme amené ça publiquement, sauf que le dude qui est Player Unknown, lui, il a comme rien dit encore sur la chose. Fait que. Attends, C'est touché. Un c'est comme Player son Unknown, c'est. nickname. C'est quelqu'un, ouais, c'est son nickname. Tu sais, ça C'est le s'appelle Player Unknown's Battleground. Battleground. Ça serait, fait que le jeu aurait pu s'appeler Narf's Battleground. Oui. Oh, God. C'est vraiment mauvais comme nom. Justement, le gars, il parlait, genre, c'est tellement mauvais comme nom. Oui. Genre, le monde pensait jamais que ça deviendrait une grosse sensation comme ça parce que le nom est poche. Aussi C'est bien tellement. l'appeler PUBG. Ouais, aussi bien appelé PUBG. Mais c'est juste comme ordinaire comme nom. Fait que, Ça fesse mais pas. ça veut juste. Je veux dire. Ça veut dire là, que dans 2 ans, là, on va appeler ça des PUBG-like. Puis ça Non, ça va va être. des Battle Royale, moi, je pense. Je pense que ça va rester Ouais, parce que là, il y a un de nom. même. Ouais. Associé à ça, mais tu sais, le monde qui a fait le film Battle Royale pourrait venir et dire genre, yo, c'est notre nom. C'est vrai que quand tu y penses, un first-person shooter. C'est inspiré de quoi? Parce que là, un Battle Royale, c'est inspiré du film Battle Royale ou du film de... Comment ça s'appelle, là? Hunger Games. The Hunger Games, qui est inspiré de Battle Royale. Qui est inspiré de Battle Royale, de toute façon. Ouais. Fait que tu vois bien que déjà en partant, on s'inspire de ça, bang, bang, bang. Ouais. Mais quand Doom est arrivé, je serais curieux. Comment qu'on aura... Comment qu'on... Comment qu'ils ont qui appelaient ça? Comment qu'on... Ouais. Il disait, c'est un méchant de question. Faudrait trouver les articles de genre PC Gamer 92. Savoir comment qu'ils ont appelé ça. Mais là, c'était une des premières expériences en 3D. On va faire un action game? On va faire un shooter? Ouais. On va faire peut-être un... qu'ils appelaient ça genre une des premières expériences en 3D où t'es comme vraiment comme dans la peau. On va faire un 3D game? Parce que c'est une sens, c'est un des premiers 3D, là, qui n'est pas du vrai 3D, mais qui essaye fort. Là. Parce que, mettons, un shooter 2D, on appelait ça un side-scrolling shooter? Un twin-stick shooter? Ou ouais. Non, twin-stick, c'est arrivé bien après. Ah, ouais, pas vrai? Ben, c'est arrivé avec le Xbox 360. Avec deux sticks, t'as raison. Moi, les consoles. Avec le Xbox. Ouais, ben un shooter, je pense qu'on devait appeler ça un shooter. Fait que c'était un shooter, un side-scrolling shooter. C'est un petit vaisseau qui avance, là, puis qui tire partout. Un bullet hell. Non, ça, c'est plus récent quand les Japonais se sont mis là-dedans. Ça, c'est pas pareil, un bullet hell, là. Faut qu'il y ait des balles tout partout, là. Ouais. Fait que comment... Ça, je serais curieux de savoir si mettons, en entrevue, John Carmack puis John Romero, ils ont décrit comment eux, ils appelaient leur jeu. Genre, comment eux se voyaient? Genre, on est en train de faire un jeu de gun, un jeu 3D, un engine, un procedural death labyrinth. Hey, ça se prononce donc bien mal. Procedural death labyrinth. Procedural, ça se prononce pas très bien, effectivement. Maudit mot en anglais avec tu parles bien mal. Un top-down shooter, puis side-scrolling shooter, j'imagine que. Ouais. C'est compliqué la nomenclature, hein. En plus, j'écoutais le dernier épisode de La Sphère à Radio-Canada où ça parlait genre de la langue française dans l'Internet, puis il y avait Laurent Lassalle qui était là pour parler justement de la langue française dans les jeux vidéo, puis. Pas facile, hein. Comment ça? Il y a plein de termes, tu sais, je me rappelais pas, là, mais je sais pas si t'écoutais Monsieur Net à Musique Plus, là, mais Denis Dalbo, il a tout le temps fait super attention pour qu'il utilise vraiment des termes français, tu sais. Il me semble qu'au début, quand j'ai commencé dans ce podcast-ci, là, avec vous autres, là, j'essayais de faire attention, puis ça a pris le bord. Je fais plus attention. C'est vous qu'on essayait pas mal de faire attention. Oui, on a parlé à un moment donné de la langue française, puis tout, mais à un moment donné, c'est juste plus pratique. Ouais, moi c'était, c'était une décision réfléchie dans le sens que c'était comme, soit je fais le podcast puis je suis tout le temps en train de chercher mes mots, ou je dis juste le premier mot qui me vient à l'esprit puis c'est ça. Fait que c'est plus naturel. C'est comment ce que je fais aussi pour que ça, oui c'est ça, pour que ça flow. Fait que la conversation va plus vite. Ouais. Plus, c'est plus avec le flow. Sinon, parce que je le faisais un peu avant puis ça, il y avait beaucoup de pauses. Ça faisait pas de la radio très existante. Ouais, c'est ça. Il parlait du mot graphisme. Parce que quand on dit des graphiques, on serait supposé dire des graphismes. Je suis comme, quand est-ce que je fais attention pour dire ça? Souvent. De toute façon, visuel, c'est bien plus précis parce que c'est peut-être un anglais. C'est plus général. Les graphiques, c'est. Je ne prendrais pas que ce soit un graphique. C'est un graphe, c'est comme un dessin d'une courbe, là, puis t'es bâtonnet, un graphique en bâtonnet, puis un graphique à courbe. Que tu fais sur Excel. Ouais. Alors, des graphismes, c'est du visuel. Fait que c'est bien juste dire du visuel. Le jeu a un beau visuel. Ça, je suis sûr que c'est un anglicisme, ça, avec. Jeu, là, c'est trop précis, là. On devrait utiliser un produit. C'est un produit avec du visuel. Un produit. Mais c'est ça, ça a l'air contenu. C'est un produit ayant du contenu visuel et audio. Je pense que c'est l'Office de la langue française qui a enfin décidé d'accepter le mot gamer. Mais comme moi, là. Pourquoi? Étale. Genre, on est rendu là, là. Pourquoi? Ça, je suis pas d'accord. Un joueur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pas? Pourquoi je pourrais jouer? Un joueur, tu peux jouer à plein de choses, ça veut pas dire que t'es un joueur de jeux vidéo quand t'es un joueur. Ben, quand t'es un gamer non plus, tu peux jouer à n'importe quoi. Ben non, un gamer, c'est un joueur de jeux vidéo. Dans la culture, puis tout, dans le journalisme, ben oui. Quand quelqu'un dit un gamer, ça s'applique tout le temps aux jeux vidéo, ça s'applique pas à d'autres choses. Ça s'applique pas au board game, aux joueurs de... Qu'est-ce que ça pourrait être? Un poker? On dit quoi? Poker player? Ah, player. Ben oui, poker player. Ah. Gamer. Non, moi, je, à ma connaissance, en tout cas, c'est vraiment juste vidéo gamer. Ouais. C'est un peu con, comme... Je sais pas, celui-là, tu vois, je suis pas super convaincu. Ouais, c'est drôle, ça. Quand on a pas de mot, OK. Mais là, on en a un mot, là. C'est joueur. Ouais, c'est juste que c'est pas précis, puis que l'utilisation de gamers, c'est comme vraiment répandu. Comme une webcam. Le mot officiel, on en avait déjà parlé. Camirette. Pour vrai? Ouais, mais personne n'utilise ça, là. Je me rappelle pas là de ça. Ça s'est pas vraiment rendu. Ça a été proposé, mais ça a été abandonné rapidement. Je me rappelle pas là de ça. Ce que j'ai appris aujourd'hui, le mot français pour un tie wrap, c'est attache éclair. C'est cute. Ah! Moi, je trouve ça cute. Ça sonne comme une fermeture éclair, puis ça, c'est pas la même affaire partout. Mais là, c'est une attache. C'est pas une fermeture. Mais c'est mêlant. Une fermeture, ça ferme. Là, ça attache. Ouais. Mais c'est confusant. Tu fermes ton trou de pantalon, tu l'attaches pas. Ouais. Tu fermes ton manteau, tu l'attaches pas. Ouais. Je vais attacher mon manteau. Ouais, I guess. Ouais, c'est ça. Avec des boutons. Fait que c'est... Des boutons pression. Des boutons pression, ouais. Puis une fermeture éclair. C'est des attaches éclair. Non, moi, je trouve pas. Je trouve ça cute. Ouais, c'est cute. Alors, j'ai demandé à ma blonde. Est-ce qu'on a ça, des attaches éclair à la maison? Là, t'as dit que c'est ça? Non, j'avais demandé des tie wraps au début. C'est après ça, en le tapant, que j'ai tombé sur le mot français. Je fais « Ouh, c'est beau! » Parce que j'étais comme « Comment est-ce que ça s'écrit, ça, des tie wraps? » Puis là, après ça, si j'ai allumé, je fais « Oh, c'est tie wrap. » Oh! Mais c'est drôle quand tu vois le monde, mettons, chez Subway qui veulent leur sous-marin dans un wrap. N'importe où est-ce que le monde achète des wraps. À quel point, genre, c'est pas clair, puis le monde se comprenne pas quand ils essayent de, genre, quand t'as une discussion entre, mettons, un caissier puis un client, entre, genre, un rap, t'as-tu des raps, peux-tu mettre ça dans un rap, le monde se comprenne pas. Pourquoi? C'est vraiment drôle. Qu'est-ce qui est dur à comprendre? C'est qu'est-ce que je comprends? Ils comprennent pas le mot, genre, le monde sont comme, qu'est-ce que t'as dit? Genre, c'est comme pas clair. Le monde ne prononce pas tout de la même façon. Puis, en tout cas, c'est juste qu'on utilise un mot qu'on n'est comme pas vraiment équipé pour bien prononcer. Fait un rap? Non, le monde dit plus un rap. Un rap? Ouais. Un rap? Ah, ouais. Faut-tu le rap? Ouais. Il me semble qu'au Québec, on devrait être fort là-dessus. Ouais. Ouais. Ouais. Fait que là, j'ai dit ouais. Ouais, rap. Est-ce qu'on fait un hip-hop ou un rap? Un hip-hop ou un rap? Ah, ça sonne comme... Un rap. Un rap. On dirait que tu fais le début d'une joke de François Pérusse. Le début d'un sketch. Justement, on va l'arrêter là. Bon. Mais bref, tout plein de choses intéressantes. Cette semaine, plein de débats. Est-ce que c'était le segment de l'actualité avec Anne-Marie? Oui, des fois j'essaie de faire des segments d'actualité. Mais là, les gens se stylent à savoir, genre, mais c'est moi qui ai fait un battle royale quand c'est vraiment pas eux autres qui ont commencé ça. Puis bref, à suivre. Parce qu'ils ont dit, ils ont dit de quoi, genre, on va en parler à nos avocats. Là, genre. Puis leurs avocats vont faire fait, comme... Non. Ouais. Bref. Où les avocats vont faire « Combien tu me payes pour qu'on aille perdre en cours? » Ouais. Je veux dire, comment, Saga, Candy Crush ont essayé puis n'ont pas réussi. Les Scrolls aussi. Mais ça, c'était sur le nom. C'était sur le nom, pas sur le jeu. Ah, mais Candy Crush, je me semblais que c'était sur le nom aussi. Ah non, c'est vrai, t'as raison. C'est moi qui ai la patate. T'as raison. Ouais, c'est ça, c'est juste du trademark de mots, là. Mm. À un moment donné, on va manquer de mots, là. Fait qu'arrêter de tout trademarker. En tout cas, je sais pas. Bref, as-tu le temps de jouer à quelque chose? Un Battle Royale-like. un Battle Rap, yeah. C'est probablement le prochain genre cool là, que tout le monde va essayer de faire. Là. C'est comme... Ah, ben ça, c'est comme, là, 2 ans, faire des espèces de open world survival. Ouais. Ben, des MOBA aussi. Avec des zombies. Non, ça, c'était plus, voilà, 4 ans, ouais. Mais oui, t'as raison, les open world survival. Il y en a encore tellement plein qui sortent sur Steam, là. Ça arrête pas. Sans Rust, puis Ark, puis... Ouais, puis ils sortent jamais, c'est ça qui est drôle. Ils sortent juste en Early Access, puis ils existent jamais. Mais penses-tu que PUBG, ça va sortir un jour, cette affaire-là? Il est supposé, parce qu'ils sont supposés sortir sur Xbox en même temps qu'ils sortent officiellement, il me semble. Ça a été déjà annoncé au E3, là. Fait qu'ils ont plus le choix. Ils sont affiliés avec Microsoft Faster, fait que je pense qu'ils ont juste plus le choix, là. Puis là, ils sont comme « Fuck, faut tout refaire notre code serveur! » C'est tout pourri en dedans parce qu'on l'a juste hacké tout crush. On sait pas comment ça fait pour marcher. C'était-tu un mode de quelque chose? C'était probablement un mode de genre Arma ou quelque chose comme ça. C'est tout le temps ça. C'est clair. Puis là, c'est comme « Oh non, faut enlever le code de Arma! » Puis là, c'est comme « Poigné dedans! » C'est ça? Ouais. Fait que là... Puis là, tu vas me faire à croire que Unreal sont capables... Que Epic sont capables de pogner ça puis foutre ça dans... Non, je pense que c'est plus pour comme les concepts, les idées, là, qui ont fait genre, ouais, mais c'est notre idée. Maman, il a volé mon idée! Ça veut rien qu'avoir une meilleure idée. Oh, snap! Mais ils ont une très bonne idée. Avoir une idée. Non, mais en jeu vidéo, c'est ça. Les idées, c'est rien. C'est l'exécution qui compte. Fait que tu peux avoir une idée. C'est pour ça que les gens qui sont comme genre, oh, j'ai une idée de jeu, mais je veux pas t'en parler. Là, tu peux signer un NDA avant. Tu me niaises-tu? Genre, qu'est-ce que je vais faire avec ton idée? Genre, je m'en fous. Des idées, tout le monde a des idées. Mm-hmm. De toute façon, je suis sûr que ton idée, ça va être genre un platformer, Metroidvania. Ouais, je la connais, ton idée. Tu commences une île là, avec 100 autres personnes. Là, c'est le premier qui se pogne un gun puis qui pète les autres, man. Ça va être malade. Bon, ça, c'est pas pire, quand même, comme idée. Ah, oh, mais c'est un Battle Royale. C'est ça, la joke. Je sais. Okay. Je l'ai dit bien ici. Parlant d'île pis de Battle Royale, mais plus d'île, oui. Je jouais à The Witness. Oui? J'ai acheté et j'ai commencé à jouer à The Witness. Ah, oh, t'avais pas joué encore, ok? On en a parlé genre plein de fois au podcast. Je mais sais, toi, mais j'ai pas finalement commencé. Pis, tu te sens-tu niaiseux? Non, je me sens pas niaiseux. Mais à un moment donné, je suis comme, bon, j'ai assez fait de puzzles, là. Je me sens que je ferais d'autres choses. Ouais. Genre, tu sais, au début, c'était pas pire, j'explorais plus l'île. Puis là, à un moment donné, je fais, bon, ben là, il faut que je résoudre des puzzles. Puis là, tu résous un puzzle. Parce qu'au début, en fait, c'est genre, résous un puzzle, explore un peu. Résous un puzzle, explore un peu. Puis à un moment donné, rapidement, le jeu, ça fait, explore un peu, résous un puzzle. Résous un puzzle, résous un puzzle. Explore peut-être un... Non, résume un puzzle. Ouais. Fait que, je suis comme, OK. Puis ça va bien? Ben, j'ai fait... Je n'ai pas fait tant que ça, là. Je suis rendu vraiment pas loin. Comment qu'on peut parler de The Witness? Je suis rendu au bout qu'il y a des petits points noirs, puis là, à un moment donné, il y a des points de couleur, puis là, il y a des points dans le milieu, puis là, il faut que je les encercle. Oui. Mais ça m'a pris vraiment du temps avant de le catcher. Parce que, genre, le tutoriel de ça. En fait, je suis pas sûr. Je pense que je suis tombé sur un puzzle et j'avais pas vu le tutoriel de ça. J'étais tout mêlé. Mm. C'est ça qui arrive, c'est que c'est un peu open, fait que ça se peut que tu trouves des puzzles que t'es comme pas encore outillé pour comprendre c'est quoi la Ah, il y en mécanique. a que j'ai fait fuck this shit, ça me tente pas. Genre, la grille était super grosse. Mais tu vois, c'est là que je sais pas si c'est parce que je suis juste au début puis que c'est assez obvious, mais je trouve que c'est beaucoup de je sais comment ça marche, mais là tu me demandes juste d'en faire plus. Genre, j'ai compris qu'il faut que j'encercle les petits points, là. J'ai compris qu'il faut que je ramasse les noirs. Là, tu me demandes. Là, puis là, pour augmenter la difficulté, tu me fais soit une plus grosse grille ou avec plus de points. Ou là, tu mélanges des mécaniques, mais c'est encore les points. Puis là, c'est comme. Alors que je m'attendais un petit peu plus à. Je t'explique pas comment ça marche, puis tu vas le découvrir par toi-même. Puis peut-être que ça devient ça plus tard. Peut-être que les puzzles, c'est comme tu gosses, puis genre, on t'explique pas qu'est-ce qui marche pas jusqu'à temps que tu le trouves, puis ça, c'est oh, ça, je fallait que je fasse. Je sais pas, parce Mais que le c'est but peut-être. de The Witness, c'est de t'apprendre une mécanique, puis après ça, de juste aller plus profondément avec la mécanique, puis encore plus profondément, puis encore plus profondément. Fait que Mais, ouais. c'est comme la beauté de The Witness, là, c'est que tu pars avec un seul concept de puzzle, mais que tu le pousses au bout. Fait que je suis pas sûre, si t'as déjà l'impression que tu comprends vraiment bien ce que tu fais, je sais pas si ça va être d'autres choses pour vrai. Je suis pas rendue super loin moi-même, mais moi, j'ai déjà bûché là, sur les petits carrés. Là. Mais Ouais, si mais tu je le dis pas que c'est maîtrises vraiment facile. bien. Au début, parce qu'au début, quand tu apprends la mécanique, d'habitude, en tout cas, je dis d'habitude, mais j'ai joué comme 1 heure. Tu sais, j'ai tombé sur des sections où tu as comme. Au lieu d'avoir comme une porte avec un puzzle, t'as comme un panneau avec plein de puzzles, puis t'en fais un, ça illumine le suivant, ça Oui, illumine mais le suivant, c'est comme puis les tutoriels. ça unlock rien d'autre que des connaissances dans ta tête. Oui. Tu sais, ça commence souvent avec genre, il y a comme une ligne que tu peux faire, puis là tu fais OK. Là tu fais le Ouais. suivant, puis là il faut que tu fasses 2 lignes, puis là tu fais OK. C'est comme ça qu'il t'apprend, Puis là, le tu jeu. arrives au troisième, puis là, ça marche pas. Puis tu fais, attends, je vais retourner voir le premier puis le deuxième. Ah, OK, c'est parce qu'il y a les couleurs. OK, j'ai compris. Fait que ça sert juste à t'apprendre le truc. Mais tu vois, c'est comme, ça, c'est intéressant. Mais après ça, c'est comme, ben, je le sais. Il faut que je sépare les blancs puis les noirs. Il faut que je ramasse les petits points noirs. OK. Après ça, Mais il y tout en ce a qu'il faut que d'autres. je fasse, c'est qu'il faut que je gosse pour trouver comment faire que la ligne, elle passe partout. Mais ça, je trouve que c'est plus comme de l'essai-erreur. Mais il va en avoir encore plus, là, genre des points entre les carrés. Il va avoir plusieurs couleurs à ségréguer, puis des couleurs qu'il va falloir que tu entoures comme un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés. Bon, quatre côtés, tu peux pas. Mais. Ouais. Il y en a qui vont falloir qu'ils aient la même forme, le même nombre de carrés dans chaque zone. Tu sais, plus ça va aller, plus ils vont juste en Bon. rajouter là-dessus. Ouais. All right. Fait que je pense que t'as pas. Ouais, je pense que t'en Je as suis pas juste vu pas tant que encore ça. rendu assez loin. De toute façon, j'ai pas l'intention d'arrêter là. J'ai arrêté parce que j'étais Ça va super juste. fatigué, mais. C'est que le rabbit hole est plus profond que ça encore, genre. Mais Ça va vraiment ça vite. m'a intrigué. Je veux dire, visuellement, c'est tellement beau. Ah ouais. Mais c'est cool parce que c'est pas des graphiques, c'est pas réaliste, là, c'est pas fidèle à rien, mais c'est juste super beau. Anne-Marie, je m'excuse, mais de t'interrompre, là, mais tu veux dire des graphismes? Oui. Parce que moi, j'ai dit visuellement, c'est beau. Ah Le visuel est beau. Mais tes graphiques, tu peux aller te les faire dans ah Excel. Ha ha ha. Excuse-moi de t'avoir interrompu avec cette blague poche. Continue. Bonjour, Inhabit dans le chat. No spoil, please. Non, non, non. Ben là. Ah, excuse-moi, je vais Qu'est-ce te qu'on peut spoiler? spoiler les 15 Ouais. premières minutes. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait spoiler, là. Ça m'a juste. La profondeur m'a juste vraiment étonnée, surtout quand je me suis ramassée sur Paint à devoir, genre, retracer les puzzles que j'avais faites pour tout mettre ensemble, là. Genre. Voir de plus loin, puis que ça forme un tout plus cohérent. Parce que c'est ça que tout le monde raconte sur The Witness, puis c'est ça un peu que j'ai commencé à voir la beauté, c'est que les puzzles que tu fais, c'est des puzzles dans des puzzles. Genre, l'île est un puzzle. Genre, les zones que tu vois font partie du puzzle. Genre, je sais pas si tu vois, il y a comme des fils électriques qui se promènent partout. Tout, mm-hmm. tout ça fait partie d'un puzzle à plus grande échelle, genre. Sûrement. C'est ça qui est cool, là. Mais moi-même, je suis pas rendu super loin. Mais ouais, c'est beau. Visuellement, c'est très beau. Mais c'est ça, c'est que ça peut... Je trouve ça cool, t'as pas un visuel réaliste, là, fait que t'as pas besoin d'avoir un gros ordi pour rouler ça, mais c'est bon. Peut-être. Je trouve ça, je sais, tu dis pas réaliste? Je trouve que c'est au contraire. Mais c'est cartoon un peu, non? Ouais, ok, c'est un peu stylisé, mais je suis pas sûr que tu dis que ça prend pas un bon ordi, mais je suis pas sûr. Ah, peut-être. Mais ça essaye pas d'être une vraie forêt, ça essaye d'être juste beau, là. Ouais, les textures sont plus flattes, mais il y a beaucoup de shaders. Ouais. Fait que ça demande, au contraire, d'habitude, ça demande une grosse carte graphique, ça. Ah ouais, pour vrai? Ben, pour faire calculer toutes ces shaders-là. Je pense au fait qu'il n'y avait pas comme, genre, tous des petits détails, puis de l'écorce avec une texture rugueuse. Puis les choses sont pas rugueuses. Hein. Ouais, ouais. Moi, j'aimais ça parce qu'au début, genre, tu étais dans l'espèce de château, puis là, tu sors. Puis là, j'ai trouvé un petit chemin pour monter en haut du château. Puis là, j'ai fait le tour. Puis là, j'ai écouté des messages. Là, il y avait un gars qui parlait d'une porte. Puis je trouvais ça vraiment drôle. Est-ce que t'as écouté? T'as vu ça? Non. Non, je sais plus. C'est soit le premier ou le deuxième message que tu peux entendre. Ça fait un bout que j'ai joué comme le début, là. Ah, OK. Ça fait vraiment super longtemps. C'est un gars... Ben, c'est parce qu'en fait, c'est le gars... Il te dit pas qu'il te parle d'une porte, mais il te parle de genre « Ah, oh, man! » Genre, je suis en train de réaliser plein de choses. Genre, je suis au croisement entre l'intérieur et l'extérieur, mais comment définir lequel est l'intérieur et l'extérieur? Il faudrait faire une étude de l'entropie de chaque côté. Après ça, il parle de « Ah, oh, comment est-ce que les atomes... » C'est fabuleux! Genre, mes atomes sont repoussés et attiré en même temps par... Et c'est un miracle que... parce qu'on s'imagine que c'est complet, mais en réalité, les atomes, c'est... Ben, tu le sais, c'est comme rien que du vide, là. Ouais. Donc, en fait, c'est comme du vide, mais miraculeusement, ils s'alignent pour se repousser. Et ça a de l'air stable, mais suffirait qu'un atome pousse plus que les autres et je me retrouverais projeté dans le vide intersidéral. Oui. Puis là, tu comprends que genre, il est juste comme en train d'être une porte puis d'ouvrir la porte. Mais il te le décrit comme un physicien comment t'appelles ça, les physiciens de particules? Quantique? La physique des particules, la physique quantique, ouais. Ouais, tout ça, là. Physique atomique. Ouais, tout ça, ben, c'est vu par ça. Puis là, tu fais comme, nice, I see what you did there. Mais oui, parce qu'Anne-Marie, genre, je suis assis sur la chaise, là, mais imagine si il y a une chance peu probable, mais non nulle, que tous les atomes de moi s'alignent juste décalés par rapport aux atomes de la chaise, et là que je rentre au travers de la chaise. Mm-hmm. Et là, il y a un risque peu probable, mais non nul. Mais en fait... Vu que c'est si peu probable, les chances que je puisse ressortir après avoir rentré dans la chaise sont encore plus rares. Alors, je risque d'être coincé dans la chaise. Et ça, c'était un prof de physique qui me racontait ça, qui disait « C'est pour ça qu'il faut jamais se taper la tête sur les murs. Imagine si ta tête a passé au travers du mur. » Les chances qu'elle rentre et qu'elle puisse ressortir sont deux fois moins. Fait que ta tête pourrait rentrer et ne jamais ressortir du mur. Tout ce que je pense depuis genre 15 secondes, là, c'est... Tu sais, dans Donjons et Dragons, quand tu peux faire téléport, ouais. Mais que tu sais pas exactement où tu téléportes l'autre personne, puis tu peux la téléporter à moitié dans un mur, là. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Je pense beaucoup à Donjons et Dragons ces temps-ci. Sais-tu pourquoi? Comment dire ça? C'est pas un jeu, là, mais j'ai commencé à écouter les games de donjons en podcast de Acquisitions Incorporated, qui sont la gang de Penny Arcade. J'ai commencé à écouter The C-Team en podcast. Puis, damn, c'est bon. J'écoutais Critical Role aussi, mais là, vu que j'écoutais les deux en même temps, j'ai commencé à vraiment me mélanger entre leurs deux games. Ouais, ça, tu me racontais. Ouais, que là, j'écoute vraiment The C-Team, The Acquisitions Incorporated, pis bon Dieu. Mais c'est que là, ce temps-ci, je fais de quoi? Je fais comme la même affaire au travail tout le temps, puis je travaille seul. Fait que j'écoute comme au moins 6 heures de podcast par jour. Là, fait que pis là, j'écoute rien que ça, ce temps-ci. Fait que c'est, ouais. La game de donjon de Penny Arcade, c'est pas trop vulgaire et raciste et toutes ces choses-là? Non. Parce que Penny Arcade, c'est game joke. Mais ça se moque des jeux vidéo la plupart du temps, mais ils sont aussi. Ils tombent facilement dans les jokes sexistes, racistes et fait. Acquisitions Incorporated, c'est comme un spin-off de jeux de rôle sur table qu'ils font. Puis là, ça s'adonne, mais genre, c'est pas nécessairement le monde de Penny Arcade. Je pense que c'est juste comme soutenu par eux autres. Oh, comme un de leurs nombreux produits. Là. Mais The C-Team, c'est vraiment Tycho Brahe qui est de Penny Arcade, qui est le DM. Puis les autres, je sais pas c'est qui. C'est juste du monde qui connaît. Mais non, ça a comme. Non, ça a pas grand chose à voir avec ça. Là. Ah, bon, tant mieux. Non, ça parle pas vraiment de jeux vidéo en général. Là, ça joue à donjon, le fait que ça roleplay pis tout. Là. Parce qu'on entend encore parler souvent de gens qui disent. Je vais pas à PAX parce que Penny Arcade, c'est des estis de trous de cul. Ben, ouais, j'ai entendu ça à Waypoint Review récemment, pis j'étais comme pas au courant de ça, parce que moi, je vais à PAX depuis 2 ans, pis la polémique, ça date de plus longtemps que ça. Fait que je suis allée faire des recherches, en fait, parce que j'étais pas au courant que Penny Arcade, c'est des trous de cul. Fait qu'il a fallu que, genre, que je m'informe. Mais c'est plus Gabe, c'est plus l'autre d'autre de Penny Arcade qui a des affaires vraiment dégueu, pis je pense qu'il est vraiment pas fait des excuses qui ont de l'allure non plus à personne. Mais je suis allée lire ce qu'il a dit, là, pis c'est que c'est vraiment du genre, c'est plate, là, je veux dire, un gros stéréotype poche, là, mais c'est vraiment le genre d'affaire qu'un gamer dirait, là, sur genre Xbox Live, là. Genre, c'est juste comme du sexiste poche de dude qui, genre, qui game, qui joue à Call of Duty, pis en pauvre, pis c'est ça, genre, t'sais. Mais le problème, c'est que c'est le gamer qui fait juste... Qui dit, mais c'est pas grave, c'est juste une blague. Oui, c'est ça. Puis mais là, pourquoi vous prenez ça si mal, là? J'ai juste fait une blague, là. Ha, ha, ha. Mais... Ouais. C'est comme vraiment, genre, l'Américain blanc qui a jamais à s'excuser à personne. Si t'es même pas capable de comprendre que ça peut choquer des gens... Ouais. C'est parce on est loin, t'as là. Jamais vécu ce que c'est d'être choqué par une... D'être la cible d'une blague. Non, c'est ça. Puis même si, mettons, t'écoutais un Chinois ou un Arabe faire une blague sur les Québécois, genre, je sais pas, tu ferais comme genre, sa blague est pas drôle, mais tu vas pas faire comme genre, cette blague me choque au plus profond de mon être, parce que on se sent pas particulièrement menacé à l'idée d'être un blanc. Alors que ceux qui sont les femmes non, qui jouent à des jeux vidéo se sentent réellement menacés. Genre, ça active... Parce que moi aussi, je pensais ça au début. J'ai comme, il me semble, ben là, les gens, ils overreact, là, c'était juste une blague. Genre, oui, la blague est pas drôle, mais c'est pas si pire que ça. Mais c'est ce qui... Une fois que tu comprends que c'est genre... Oui, mais là, c'est parce que là, tu viens d'activer la partie dans le cerveau de ces gens-là qui est la peur. Ça, mais c'est aussi que la façon que c'est dit, ça sonne comme quelqu'un qui réalise pas son impact dans la vie, là. Genre, t'es pas n'importe qui, t'es Gabe de Penny Arcade, là. Il y a des millions de personnes qui te lisent puis qui croient en ce que t'écris. Tu sais, c'est des affaires. Mais c'est pareil comme PewDiePie qui dit le N-word sur son stream. Tu sais, c'est la même. En fait, c'est pour ça que Waypoint Radio en parlait, je pense. Parce que c'était la polémique de PewDiePie. Là. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui réalise pas la portée. C'est quand t'es aussi populaire que ça, t'as une responsabilité. Puis c'est ça, comme gros du monde sur YouTube catch pas, là. C'est, oui, t'as une responsabilité. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes gens qui te regardent puis qui prennent exemple sur toi. Là. Fait qu'à un moment donné, faut que tu réalises que, genre, t'as de l'impact. Mais tu sais, c'est sûr que Donald Trump, c'est comme le pire exemple du monde en ce moment, là. Fait que ça aide vraiment pas, là, mais tu sais, lui, il dit n'importe quoi sur Twitter, mais pourtant, comme, il devrait réaliser que, comme, c'est le président des États-Unis, watch que tu dis. Ouais. Le Parce que le monde problème, prenne c'est ça pour du que. cash. Ouais, l'affaire, c'est que tu peux pas. C'est dur de dire ça à quelqu'un qui. C'est dur de dire à quelqu'un. Tu peux pas dire tel mot en onde parce que tu vas être une inspiration négative pour des enfants, alors que la personne perçoit même pas ça comme étant négatif. C'est comme, mais là, c'est juste une blague, là. Genre, Ouais. si les enfants m'écoutent puis ils font la même blague, c'est pas grave. Mais oui, c'est Mais grave parce c'est que ça c'est l'affaire. la portée de ce que tu dis. Tu sais, si moi je dis de quoi sur Twitter puis que j'ai 2 followers, on s'en tape parce que ça rejoint personne puis que le Mais monde même s'en si ça rejoint, même si t'avais 0 follower, le fait que tu dises ça, mais que tu te rendes même pas compte que c'est tape. pas. Ouais. Mais c'est plus que, tu sais, c'est Gabe de Penny Arcade, là. Il est big, là. Genre, il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit, là. Oui. Parce que le monde look up à cette personne-là. T'sais, il représente un empire, il représente PAX. C'est du monde qui vont à PAX, qui retournent parce qu'ils réalisent que genre PAX est vraiment rendu une entreprise. C'est immense, c'est beaucoup Ben, plus gros que Gabe c'est pas. Vitaico. Ouais, ben, c'est séparé, je pense, maintenant. Ils ont Oui. gardé le nom, mais Ouais. c'est plus. Je suis plus sûr, là. Non, ouais, je C'est pas pense que. vraiment Ouais, je ça. pense que j'ai entendu ça aussi. Mais tu sais, c'était juste un porte-parole pour quelque chose, puis. T'es une voix dans une communauté. Puis les YouTubers maintenant, pourquoi, genre, en français, on les appelle les influenceurs? Ben, en anglais aussi, là. Pourquoi qu'on les appelle les influenceurs? Parce que c'est ça qu'ils font. Les influences. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, si t'es un influenceur négatif, ça se peut que le monde y vienne puis ils disent, ben, nous autres, on te coupe, là, parce que, genre, t'aides pas à faire le monde un meilleur endroit pour vivre, là. Oui, ben, c'est vraiment drôle parce que c'est vraiment de considérer la personne qui stream le jeu comme étant, je te considère uniquement comme mon outil marketing. Tu es un influenceur, c'est ce que tu es pour moi. Je T'es m'en un fous. outil. T'es pas important, t'es juste comme un canal de diffusion de Ah, mais mon non, là. contenu, de mon jeu. C'est-à-dire pour les Ben. développeurs? Ouais, les développeurs, Ouais. surtout les gros, là. Je veux dire, Ouais. ceux qui ont inventé le mot influencer, Ouais. influenceur, ça, c'est sûr, c'est des équipes de marketing qui considèrent ces gens-là uniquement comme un canal de diffusion de Ouais. leur message. Mais c'est ça, c'est qu'encore là, si la personne, c'est pour ça le problème avec PewDiePie, c'est que la personne qui véhicule ton message fait des jokes racistes, Eh ben là, ben. peut-être que ça veut plus être ton, t'aimerais ça que ça soit plus Eh ton ben, tu porte-parole. veux plus que ça soit ton porte-parole, tu C'est ça. dis non, tu ne stream plus mes jeux parce que Parce que, c'est ça. tu Je veux peux pas être ou tu associé peux à ça. continuer à les streamer, mais on garde les revenus. J'en ai pas. Et ça passe pas bien, là. Ben, ça veut dire C'est qu'il va plutôt arrêter. genre, tu peux continuer à streamer, mais il faut que tu t'achètes le jeu, on t'enverra plus ta copie, ta review copie, là. Si c'est fini, Ben, ça. Bien sûr, il est trop tard, on te l'a déjà donné, mais c'est. Mais là. Non, le. on en envoie plus d'autres. Non, Mais mais. prendre les. Mais ça, c'est vraiment un territoire gris de prendre les revenus de diffusion d'une vidéo YouTube sur ton jeu. Nintendo a pas l'air Il de y a juste s'en faire trop Nintendo trop qui le avec fait. ça. Puis le monde n'aime pas ça. Yo, pas juste Nintendo qui le fait. Sur mon canal personnel, des fois j'ai streamé des affaires, puis des fois il y a certains jeux qui ont une toune. Puis là, ça Mais dit. c'est la toune. Ah, le vidéo YouTube est flagué pour copyright, puis là, je suis comme. Ouais. Moi, je m'en fous parce que je mets pas de pub sur mes vidéos. J'ai pas activé aucune des fonctions pour avoir des revenus, Je sens que ni les pour autres mon compte compagnies, perso, ils ni laissent les YouTubers faire. Ouais. on a juste une vie. Mais là, que quelqu'un prenne mon vidéo et là, maintenant que YouTube a détecté qu'il y avait leur contenu dans mon vidéo, là, ils peuvent activer des publicités alors que moi je les ai pas activées et avoir du revenu de ça. Puis moi j'ai rien. Mais c'est pas correct, ça? Non? Ben, c'est YouTube. Ouais, mais c'est ça. Ils ont juste apaisé Saint-Python, puis ils peuvent le faire. Après ça, Non, ils mais je font veux pas tout dire, le temps, ils je font dis pas pas que si ça se nécessairement. fait ou pas, là. Je dis juste, c'est correct? Non. C'est à eux. C'est leur musique. Oui. Ouais, mais si c'est une vidéo que tu as créée, puis c'est toi qui parles sur la vidéo tout le long, tu sais, ça reste que c'est ton contenu. Là, je comprends que les créateurs de contenu sur YouTube non plus, faut pas. Je veux dire, on n'en aura plus. Tu sais, si tu vas avoir des influenceurs puis avoir du marketing gratuit, là, tu peux pas les traiter comme ça. Là, parce que si tu Ben non. demandes tous les revenus sur leurs vidéos, tu n'en auras plus d'influenceurs. Ben non, en effet. Mais c'est pour ça que Mais. les moves de Nintendo, c'est pas tant une bonne idée. Il y a Oui, vraiment moins de YouTubers qui font du Nintendo là, ben qui oui. pourraient en avoir là. Mais ça, c'est toi qui décides. Tu peux dire, genre, j'autorise tout le monde sauf ceux qui disent des gros mots sur mes streams. Genre, tu as le droit de streamer mon jeu juste si tu. Il n'y a personne qui fait ça actuellement. Ben. Oui, maintenant, il y a des gens qui ont dit, genre, PewDiePie, tu ne stream plus nos jeux. Il y a juste Campo Santo, puis ça a fait vraiment jaser. Puis c'est pas une question de stream, c'est C'est qu'ils ont pas take juste down. eux. Il y en a eu plus. Il y en a eu Ah paquet. ouais? Il y a un paquet de développeurs qui ont désautorisé leur Ok. Je pensais pas jeu. qu'on pouvait faire ça. Tu peux désautoriser quelqu'un à streamer ton jeu? Sur YouTube, c'est un Mais c'est du. piton. Non, sur streamer, sur Twitch, là. Parce que sur YouTube, t'as juste à take down le vidéo, OK? Mais sur Twitch, je pense pas que tu peux empêcher quelqu'un de streamer ton jeu sur Twitch puis de dire des insanités dessus. Ah, ça, j'avoue que je le sais pas. Ça Je rentre sais pas peut-être dans comment le ça fair marche, use. parce que Je j'ai suis vraiment jamais pas eu ce sûr. problème-là. Le Ouais. jour où je vais streamer quelque chose qui va causer problème. Parce que j'ai déjà eu le problème que. Parce que oui, ils peuvent les take down de sur YouTube si comme ils uploadent des vidéos puis tout là. Mais genre, Ouais. empêcher quelqu'un de streamer sur Twitch ton jeu, je suis pas sûre. Ah, je suis sûr qu'il y a des options pour ça. Ben, je veux dire, Twitch a des règles. Parce que Si tu Twitch, joues tu scannes un. déjà la musique. Si tu mets de la musique dans ton stream puis que Ah c'est ouais? pas les droits, c'est-à-dire si tu joues de la musique de genre. Pourquoi le monde il faisait full ça au début? Ça se fait plus? Le monde, il faut encore. Mais il y Ouais? a. Mais les. C'est parce que live, ils sont pas capables de faire la détection live. Ah. Twitch fait la détection uniquement post-stream. Ah, sur tes VOD? Sur tes vidéos on demand, oui. Ok, ouais, sur les vidéos qui sont. Puis Ouais. là, fait que si tu as déjà écouté des vidéos on demand, puis à un moment donné, ça dit, ce vidéo a été muté parce qu'il Ah! contenait de la musique pas légale. Ah, ben, je savais pas ça. Ah, parce que live, ouais, je connais du monde que, genre, au lieu d'écouter SoundCloud, ils ont des streamers qui connaissent, qui trouvent qu'ils ont de la bonne musique. Fait qu'ils mettent un stream en fond de, genre, un dude qui écoute de la bonne musique puis qui joue à LoL en même temps. Je suis comme, tu dépenses tellement plus d'Internet en faisant ça. On dirait que je comprends pas, là. T'sais. Mais tu sais, l'Internet, si t'es pas limité, t'es pas limité, c'est pas grave, là. Genre, faut dire que je comprends pas pourquoi tu streamerais du vidéo si tu peux streamer juste du son. Genre, on dirait qu'il y a comme un gaspillage, je trouve. Ben, tu sais, des fois, tu cherches une toune puis tu fais comme, ah, oh, ça va être plus rapide d'essayer de la trouver sur YouTube. Ah ouais, ah ouais, c'est sûr. Mais après ça, moi je l'extrais en MP3, c'est mon entier. Oui, mais ça, c'est absolument illégal. Je dis pas que je le fais jamais. Je le fais ben, pas mal moins maintenant que j'ai Apple Music parce que souvent, je suis comme, hey, j'allais me souvenir. Attends une minute. Avant que je perde 10 minutes à l'extraire, je vais aller voir d'un coup qu'il est sur Apple Music. Ah, déjà là, t'as Add to Library. Voilà, je l'ai. Mais ouais, dans les. Je sais pas si dans les termes de. Non, dans les termes de Twitch, tu as le droit de sacrer. Fait que sûrement que PewDiePie a pas enfreint les termes d'utilisation de Twitch. Parce que c'est ça, pour te faire bannir sur Twitch, faut que tu enfreignes les termes d'utilisation. Ça, c'est genre streamer des jeux porno, mettons. Ça, tu peux pas. Mais je pense que ça, c'est pas mal tout. Je pense que c'est à peu près tout. Ils ont comme une liste de jeux qu'ils ont enlevé, là, genre quand Honey Pop est sorti, ils l'ont enlevé, genre. Mais comme, c'est tout, là. C'est full bon, Honey Pop! Je comprends pas. Bref. J'ai joué à un autre Dating Sim cette semaine. C'est justement pas tant bon. C'était Que c'est quoi? pas bon. Elle s'appelle Divine Slice of Life. Là. Écoute, t'es un Japonais à l'université, tout ce qu'il y a de plus normal. Puis il y a genre deux déesses qui débarquent chez vous pour te dire que t'es genre l'incarnation mortelle de Zeus. Puis faut que tu choisisses entre l'une des deux déesses. Puis là, tu fais, excusez les filles, non, je choisis la 3DS. Ni la première, ni la deuxième, je choisis la 3DS. Bon choix, ça aurait dû être une fin, ça. Sauf que maintenant, ça marche plus parce que tu dis, je choisis la Switch. C'est quand tu hésites trop entre les deux, tu n'es pas capable de te brancher, tu n'arrêtes pas de switcher une à l'autre. Fait que tu fais, ah, oh, finalement, je vais aller choisir la Switch. Sinon, Switch, c'est un terme BDSM aussi pour désigner quelqu'un. Fait que tu peux quand même choisir la Switch aussi. Ah. Oui, quand la Switch a été annoncée, il y a comme toute la communauté BDSM qui a fait il y a juste nous autres qui la comprennent. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est disable dans un podcast PG-13 tel que le nôtre? C'est ça que je me demande. Non, bon. Non, mais un Switch, c'est juste quelqu'un qui peut assumer les rôles de dominant et dominé en alternance. Oh! L'un et l'autre. Qui fait les deux. Pour quelqu'un qui hésite un peu entre les deux. Ah, c'est correct. Switch. Bref. De quoi qu'on parlait. Ouais, mon jeu, non, c'était moyen. Mais probablement que j'ai acheté un bundle à un moment donné sur genre Indiegala, qui est comme le Humble Bundle, mais vraiment plus indie. Vraiment, vraiment plus indie. comme Itch.io Indie? Genre, non. Plus comme... Sketchy Indie? Ouais, plus sketchy, genre compagnie chinoise, mettons, qui ont essayé de traduire... Indie Garbage? Ouais. Yeah. Ouais, parce qu'Itch.io est vraiment des perles là-dedans. Là. Oui, oui. Mais sûrement que j'ai déjà payé des perles sur Indiegala aussi. J'écoute un podcast maintenant, ça s'appelle Dialogue Box. Ah? C'est vraiment bon. C'est un des deux, c'est un streamer, il travaille pour Twitch. OK. Puis elle travaillait pour comment ça s'appelle? Ceux qui faisaient... fuck! Ceux qui faisaient... Je t'écoute. Le jeu, là, avec les petites filles et les gros robots, t'es en dessous de l'eau. Bioshock. Bioshock, OK. Elle a travaillé sur Bioshock. Des petites filles, des gros robots, attends un peu, là. Parce que c'est pas des robots. Non, en tout cas. Spoiler! Oui. Elle a travaillé sur le 3 et peut-être sur d'autres. Puis là, quand le studio a fermé, elle a fondé son studio indie. D'ailleurs, son jeu était en bundle récemment. C'est The Fire in the Flood, je pense. Je pense que je l'ai acheté. Parce que The Flame in the Flood, ça se peut. The Flame in the Flood, c'est ça. Ça a l'air vraiment cool. Puis un pitou. Oui. Alors, ça, c'est son jeu de son nouveau studio. Fait que les deux, ils jouent de n'importe quoi. Et puis, où c'est que je m'en allais avec cette histoire-là? De quoi qu'on parlait avant? On parlait de indie louche. Ah oui, ils ont fait un podcast à propos de indie bullshit. Là, au début, j'étais comme un peu insulté. J'étais comme, ouais. Hey, là, vous êtes en train de trasher des jeux indie, là. C'est quoi ça? Puis là, ils ont expliqué leur définition. Puis là, ils ont fait des sous-catégories. Puis là, c'était assez drôle et assez niaiseux. Parce que là, il parlait de Itch.io, là, puis là, elle a découvert ça. Genre, elle avait jamais entendu parler de ça. Puis elle est comme, genre, wow, il y a des affaires vraiment cool là-dessus. Genre, oh, this is good indie bullshit. OK. Et leur définition, je trouve que le mot ne fit pas. Parce que indie bullshit, selon eux, c'est comme les jeux comme artistiques. Ah, mais ça, c'est parce que je pense que ça vient des gros gamers de AAA qui regardent le store des fois sur la Switch ou sur le PlayStation Store, puis sont comme, c'est quoi ce jeu-là? Oh, it's indie bullshit. Oui, mais non. C'est une parodie de ça, non? C'est pas juste. Non, c'était spécifiquement pour dire. Tu sais, c'était pas genre un platformer. Un petit indie platformer, ce serait pas un indie bullshit selon leur définition. Ça tombait dans une autre catégorie plus c'est comme... C'est genre un platformer indie. Où tu fais un voyage initiatique dans la période de 18 ans de ta vieille tante qui était dans les années 60 oh, qui faisait un trip de drogue. That's good indie bullshit, Annie! Dans Limbo, genre Inside. Inside, genre, indie bullshit, pour vrai? Ben, genre... OK. Je sais pas jouer là, mais genre, c'est vraiment praised inside. Mais justement! OK, OK. C'est des bons jeux! C'est des bons, beaux jeux! OK. Genre Dear Esther indie bullshit. Ah, Dear Esther, bullshit! Okay. En tout cas, je trouvais ça drôle parce que je suis comme... Vous auriez pu trouver un meilleur mot, genre... Un art game. Dans le temps, je me souviens, on appelait ça. Genre, quand on commençait, on a juste une vie, là. La première saison en 2000. Ouais, je l'ai pas écouté, celle-là. J'étais pas là. Tu l'as pas écouté? Ben non. Non, C'est ils parce sont que j'avais de la préparation avant de venir à mon premier, on a juste une vie, je savais même pas c'était quoi. C'est genre Bruno qui a fait de bien jaser. Je les avais jamais écoutés. Nice. Yeah! Fait que non, je l'ai pas écouté. La Mon Dieu, je première pensais que c'était une saison, nouvelle il semble qu'on parlait de ça. Ou en tout cas, on en parlait sur le blog, dans le temps qu'on avait le blog. Ouh, le blog. Et on parlait de Art Game, je pense, dans ce temps-là. T'sais, parce que c'était à l'époque où on était encore genre dans le débat, genre, est-ce que les jeux vidéo, c'est de l'art? Fait que là, il faut comme différencier ceux que c'est de l'art, ceux que c'est pas de l'art. Je pense que c'était comme des jeux. C'était des jeux qui étaient soit qui avaient pas beaucoup de gameplay, qui étaient plus orientés sur l'expérience. Fait que c'est plus comme une expérience narrative, interactive. Ou Aujourd'hui, on visuel. dirait comme. On dirait, ouais, on dirait ça, on dirait, qu'est-ce qu'on dirait? Un walking simulator, un Ouais, c'est ça. Mais moi, j'aime bien. narrative, narrative exploration game. Ouais, je suis triste que FPX, ça a comme pas passé, parce que moi, je trouvais ça bien, FPX. C'était C'était quoi, First Person FPX? Experience. Mais Oh. genre, il y a personne qui utilise le terme. Mais je trouvais ça bien, ouais. Je sais pas, il y a du monde qui a essayé de plugger ça à un moment donné. Ça ressemble trop à FPS. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ouais, peut-être que ça se dit mal parce que. Ouais, oh, c'est peut-être ça. Parce Ben, que là, je suis trouvé. FPS en partant, ça se prononce pas super bien. Ben, c'est parce que FPS, c'est aussi genre la fréquence de ton écran. Hein. En plus. Ça, je trouve ça vraiment confusant. Yep. Confusant. Ça, c'est un beau mot pour le fils de la langue française. Alors qu'on aurait un mot parfaitement valable en français qu'on pourrait utiliser, mais Ouais. non. Ouais. Qu'on Ben va c'est ça le. quand tu parles en anglais toute la journée, là. J'arrive ici le soir puis je suis tout mêlé. T'es tout mêlé? Oui. Justement, t'es mêlé. Je suis T'es sûr que t'es mêlé. pas confusé à la Non. place? Oui. Je suis confuse. Ça, là. Confuse? Confuse. Tu es confuse et mêlée. Vraiment confuse. Ouais, t'es en train de nous perdre là, justement. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça m'avait amené de quoi, là? Colin. Je l'ai perdu. C'est de Je la bonne rajoute. indie bullshit, me semble. Ah! J'ai commencé à regarder. Tu sais, Jim Sterling, en parlant de personnalités sur YouTube qui ont un langage vraiment ordurier, là. Fait que genre, avertissement pour les téléspectateurs, là, si vous avez le cœur sensible, écoutez pas Jim Sterling. C'est de la parodie, là. Mais il a commencé à faire une série, là, que genre. Moi, mon cœur de personne qui se costume à tous les fins de semaine pour aller jouer dans le bois, là, j'apprécie, là. Il se déguise en aristocrate des années 1800 avec une perruque à la Marie-Antoinette, puis le visage poudré, puis du fer à joues, puis une grande cape avec du poil. Puis il parle comme un aristocrate. Comme un. Il parle comme ça, là. Et il lit les commentaires sur Steam. Des gens qui parlent des vrais jeux hardcore, comme à l'époque où les jeux c'était pour les vrais joueurs. C'est tellement. Me demandais où c'est que tu t'en allais avec ça, parce que là, comme clairement, il se costume faire de quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il lit les commentaires sur Steam. Ça s'appelle Oh boy! Commentocratie. Il lit les commentaires sur Steam, il y a du monde qui chiale que les RPG à ce temps c'est pour les casuals, puis c'est pas pour des vrais, genre. Ou quand les gens chialent que c'est trop dur, ils sont comme oui, mais c'est parce que t'es pas un vrai, là. C'est pour les vrais jeux, pour les vrais, là. T'sais, puis à ce temps, tout est trop facile maintenant, tout est trop bébé lala, puis nous autres, on est des vrais, là. Ah, puis il lit ça, mais comme. Avec un ton super dramatique, avec sa perruque poudrée, pis oh, c'est drôle. C'est juste ridicule, là. C'est juste ridicule. Il fait juste lire tes commentaires, là. C'est pisse. Et puis donc, s'il ne fait que lire des commentaires, ça veut dire qu'on n'entend pas ses propres mots orduriers. On entend Non! ceux des gens sur Steam. Oui! Et boy. Des Tout à fait! commentaires dans les reviews? Ouais, genre. Et boy. Moi, ce que je trouve fou, là, Des perles. c'est genre, tu sais, les reviews sur Steam, là. T'as ceux qui sont d'une taille raisonnable, de genre deux, peut-être trois paragraphes, qui disent genre, le jeu il est cool, ça fait ça de bien, puis ça fait ça de moins bien. Tu sais, comme, ok, sure. Puis après ça, t'as ceux qui se prennent au sérieux. Là. Genre, je suis un journaliste, je suis IGN et je vais écrire 3 pages. Là, t'es comme... Non, t'es semi-IGN. C'est vraiment ça. Tu cliques, tu sais, tu commences à lire, tu fais « mm-hmm, mm-hmm, ok ». Puis là, t'arrives au milieu d'une phrase, tu fais « continue », puis là, ça fait comme « pfff ». Puis tu fais « non, non, I'm out ». J'ai pas pris le restant de mon après-midi pour lire ça. Genre, j'ai... Hey, des reviews sur Steam. Ah non, mais c'est vraiment genre une note SMI Kotaku, là. Voilà. Ben ça, oui, non, je sais pas. Il y a les reviews, genre... Le chien, il meurt, 0 out of 10, I'm not buying this. Genre, juste 10 mots. OK. Non, mais c'est vrai, il y a des reviews genre « Recommended, their boobs ». C'est ça. Puis tout le monde a pesé « Very helpful ». Fait qu'il recommence en haut. Ouais, ça c'est dommage. Mais c'est vraiment vrai que les reviews de Steam, là, quand tu pèses sur « Xpen » pis tu vois que genre ça finit pas au bas de ta page, fuck off. C'est non. Mais c'est ça, ouais, son premier épisode, il fait juste lire des reviews de gens qui chialent que les RPG sont pas assez hardcore. Puis c'est comme des nazis, mais version RPG, là. Genre, si t'es pas capable d'endurer la difficulté de ce jeu-là, tu devrais pas être un gamer, genre. Oh, mais dis avec sa voix! c'est parfait. C'est vraiment bon. Man, Anne-Marie, t'as jamais songé au théâtre? T'es bonne. Ben, mais j'en fais plein. Je fais plein de théâtre immersif. C'est pas vraiment du théâtre, là. C'est du roleplay, là. Okay. Mais à ce temps, j'immerse les gens. Ah, oh, nice. Ben oui, je fais ça maintenant. Je suis rendue NPC dans mon GN favori. C'est pour ça que t'es bonne de même. Je suis bonne? Non, pour c'est pas que je regardais Jim Sterling. Pour imiter Jim Sterling qui imite un qui imite... Qui imite quoi? Parce qu'il n'est certainement pas allé à cette époque-là. Alors, il imite un acteur qui imite un autre acteur qui imite un autre acteur qui imite peut-être comment ça sonnait dans ce temps-là. Son bonhomme, il s'appelle Duke Amiel du Hardcore. Ah, bref, ça m'a vraiment beaucoup fait rire. J'aime beaucoup Jim Sterling. Il est très ordurier, mais c'est toujours dans une notion de parodie. Puis c'est sûr que ça ne plaît pas à tout le monde parce que c'est bien trop intense comme niveau de parodie, mais... Genre un soft spot pour son humour de merde. Bref. Mais c'est ça qui arrive, c'est que lui, quand il fait des jokes crasses, c'est pas comme le gars de Penny Arcade qui est juste réellement, genre, comme ignorant de la condition des gens. J'étais vraiment triste quand j'ai appris ça, que mon opinion, ok, c'est pas du monde correct. Mais je pense que j'ai lu à quelque part qu'ils sont vraiment religieux. Fait que genre, après ça, genre, si quelqu'un est religieux pis que là, il est pas capable d'avoir des opinions qui ont de l'allure sur les transsexuels, je comprends, genre. Je comprends. Genre. C'est quand même pas cool, mais ok, on peut comprendre. Non, mais je veux dire, quelqu'un qui est vraiment catholique, là, genre, son opinion est complètement discréditée dans ma tête sur, genre, tout ce qui est LGBT, puis... Je suis en train de dire ça sur Internet, je vais me faire lyncher. Mais... c'est plate, là, mais comme, tu sais, c'est un Américain blanc, mâle, qui, genre, tout le temps a été privilégié, là, tu sais, genre, qui catch pas, mettons, c'est quoi ne pas avoir de privilège, là. Peut-être. Peut-être qu'il est juste vraiment ignorant. C'est pas une excuse. Mais c'est ça. Tu mixes ça avec genre ne pas réaliser à quel point t'es important dans la vie pis que les gens te follow sur Twitter. On écrit ça sur la feuille de route. Là. Ouais. On a parlé de ça. Parce que là, je suis comme. Il me semble qu'on a parlé juste comme deux jeux, mais on a parlé de plein d'affaires. Mais je vais continuer à aller à PAX parce que c'est vraiment cool, puis les gens qui organisent ça font quand même vraiment beaucoup d'efforts pour que tout le monde se sente super inclus, là. Genre, c'est ça qui m'a super étonnée quand j'ai commencé PAX, c'est que, genre, je trouve qu'ils font vraiment des super gros efforts dans la convention pour que ce soit un safe space pour tout le monde. C'est vraiment, vraiment sweet. Nice. Il y a la AFK Room avec genre des gens qui sont là constamment pour si jamais il y a des gens qui se sentent pas bien parce qu'il y a trop de gens, tu sais, qui sont juste mal à l'aise parce que c'est trop rempli de gens, mais il y a une pièce pour déconnecter, puis il y a des gens qui sont là pour t'écouter puis pour te rassurer, puis genre c'est vraiment vraiment fourré là. faut juste pas qu'il y ait trop de gens là-dedans. Sinon, ça peut devenir un... Sinon, ça va te prendre la AFK room. Ouais. Puis il y a le Pride Lounge, qui est le lounge où, genre, toutes les compagnies LGBT, pro-LGBT, genre, toutes les gens qui font des conventions pro-LGBT de gamers, qui ont des produits à vendre ou qui font des jeux qui sont particulièrement pro-LGBT, mettons, ils peuvent tout aller dans cette pièce-là pour leur truc. Des gamers. GamerX, qui est la convention, ouais. Fait que c'est pour ça que ça m'a comme tellement surpris quand j'ai lu que, genre, que les gens de Penny Arcade avaient vraiment été des sales trous de cul sur Internet. J'étais comme « Ah! Mais là! » Genre, ça m'a vraiment, vraiment chicoté pendant comme toute la semaine passée. J'étais comme « Non! Détruisez pas PAX pour moi, s'il vous plaît! » Mais je comprends. Je comprends vraiment parce qu'ils ont vraiment dit des choses graves. C'est si triste. Sur ce, on arrive à la fin de l'émission et j'aimerais utiliser le temps des mots de la fin parce que là, je me rends compte que dans l'émission, on a parlé, on a eu ce sujet de conversation, ce qui était intéressant. Si c'est pas comme d'habitude, on parle de jeu, mais là, on a parlé d'un sujet. On avait moins de jeux à parler, ça. Ouais, ben c'est sûr que ça aide. Puis là, j'ai des bons sujets que je veux garder pour quand il y a plus de gens. Parce que, tu sais, avoir juste l'opinion de Narf et Anne-Marie, c'est bien, mais avoir l'opinion de Blob sur les lasagnes, c'est encore mieux. Mais là... As-tu vraiment un sujet qui est ces lasagnes? Ça fait deux fois que tu l'amènes, fait que j'ai l'impression que c'est sérieux, là. Mais là, Anne-Marie descend, là. Regarde la feuille de route. Il y a la section vos jeux du moment, puis après ça, questions reçues, qui sont pas des questions reçues, c'est juste des sujets que j'ai volés ailleurs. Oh my God! Ah, je l'avais pas vu, il est nouveau, celui-là! Ça fait genre 3 mois qu'il est là! C'est vrai! J'ai mis ça, ça fait super longtemps! Moi, je me rappelle juste la question des actions qu'on fait pour rien. Là. Oui, genre, parce que là, je veux tellement qu'on en parle, mais on n'a jamais le temps. Ça va faire 6 mois que j'attends. Je vais monter en haut pour qu'on la voie, puis là, je vais la remettre en bas parce qu'on l'oublie. Ça va faire 6 mois que j'attends pour dire que dans Gone Home, quand j'ouvre une lumière, je la referme après. Voilà! C'est dit. OK. C'est un tic. Fait quoi, on se le garde pour la semaine prochaine, ça, là? Ah, peu importe. C'est pas grave. Parce que moi, je voulais faire ça à soir, mais là, tout le monde n'était pas là. J'étais là, fuck. Ah. Ouais, soyez donc là, le monde. Non, mais là, ils sont occupés, c'est pas grave. Mais là. Oui, je sais. Il écoute sa convention de C-Sharp, là. On va pas rire de sa gueule. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit. Dans une conversation de C-Sharp. Sean, j'étais content, Sean, il est revenu. Il y a eu un autre contrat pour revenir à job. Ah, oh, cool! Il est avec nous. Yay. Hey, parlant d'événements reliés à ta job, Facebook, Facebook qui connaît tout sur ma vie, me propose des événements. Mm-hmm. Puis, il y a comme une convention de gamers à Montréal que je connaissais pas, genre Canadian Gaming Convention. Gaming Expo, Canadian Gaming Expo. En tout cas, il y a quelqu'un de Ludia qui va aller parler dans cette convention-là, genre au mois d'octobre. Ah ouais? Oui. Ah! Vous savez pas? Ah. Ça, c'est Canadian Gaming Expo. Mais comme toutes les infos qui sont dessus sont toutes en anglais, fait que pour moi, c'est de quoi comme dans le Canada anglais qui se promène? Mais places, pages, oui, mais events. Ah! En tout cas, ça n'arrête pas de passer sur mon fil Facebook. Puis là, aujourd'hui, ils ont sorti les speakers qu'il allait avoir à la convention. Puis, écoute, je vais même te le dire. Guillaume Chemin, c'est tout petit. Lead animator at Ludia Games. Qui c'est ça? Man, on est rendu big! Ben oui, je sache pas pantoute, c'est qui? Un lead! Tu sais, d'habitude, les leads, tu les connais plus. Ouais. Ah, mais là, l'image de la résolution est vraiment mauvaise, puis je peux comme pas zoomer dessus parce que c'est Facebook. Ah, c'est étonnant, ça. Guillaume Charin, c'est ça. Bon. J'irai checker demain dans le registre des employés pour voir sa face. C'est qui, ça? Bref, mais je connaissais même pas cette expo-là. CGX Montréal. Ça me dit rire. Ça doit être nouveau. Peut-être. Ou tout petit. Ben peut-être que c'est Canadian Gaming Expo, mais que c'est comme la première fois que c'est à Montréal. Peut-être. Puis qu'avant c'était comme à Halifax, fait qu'on n'avait jamais vu ça. Je sais pas. Sans offense, ma réaction a trahi du racisme envers les gens d'Halifax. Là, je m'excuse. C'est bon, Halifax, c'est juste, c'est fucking loin. Ben ouais, justement. What the fuck, man? Mais c'est beau, là. Je suis allé au Nouveau-Brunswick cet été, puis on était pas loin comme la frontière de la Nouvelle-Écosse. Puis crème, c'est beau. Puis je regardais, puis ces provinces-là, ça se vide un peu, là. Genre, il y avait vraiment plein de maisons à vendre, puis plein d'affaires dans certains quartiers. Tu sais, mais il y a de plus en plus de studios de jeux vidéo dans les provinces maritimes. Genre, pour vrai? Ouais. Ah, c'est cool. Parce que c'est ça, je me disais, ça a l'air full cool vivre là-bas, là. Ça a l'air vraiment chill. Parce que, tu sais, on s'entend que faire des jeux vidéo, ça te prend juste des ordis pis du monde. Ouais. Fait que si t'as des ordis pis du monde, t'es correct. Pis une connexion Internet qui a de l'allure. Pis encore, même ça, t'en as peut-être pas tant de besoin. Fait que, ouais. Sure. J'avais un ami, là, qui venait de là, pis... Puis qu'est-ce que j'ai entendu? C'est pas Ubisoft qui a genre ouvert un studio à Halifax? Au Saguenay, ah, excuse. Ouais. Bon. C'est pas loin. C'est comme mais Ubisoft quand même, ont ouvert un studio, mais. C'est vrai, t'as pas besoin de quoi. Mais il y en a d'autres studios, genre, peut-être un peu plus petits, là, mais il y en a. Ou des boîtes de. Tu sais, je dis des studios de jeux, mais c'est peut-être pas nécessairement tous des jeux. Il y a aussi des boîtes de programmeurs qui font des trucs web ou whatever. Mais c'est que tu peux faire ça de n'importe où, puis je pense qu'habiter des provinces maritimes, c'est peut-être pas tant cher, puis t'es sur le bord de l'eau. L'Unabit est comme, ils ont haute vitesse là-bas. Je pense que oui. Sûrement. Man, si la haute vitesse se rend à Repentigny, c'est sûr que ça se rend partout. Oui, on dort Repentigny, c'est collé sur Montréal. Espèce de trou, ça, Repentigny. Il faut que j'aille revirer là pour aller chez ma mère. Je vais aller chez mes parents pour une fin de semaine l'été. Mettons, tu sais, c'est dans la campagne, puis on peut aller dehors, puis c'est vraiment beau, puis c'est le fun, mais je me dis tout le temps, chez nous, on a la haute vitesse. Ouais, mais là, tu dis ça, tu dis, ah, je vais chez mes parents, c'est beau, on est dehors. Tu comme, ouais, mais chez ma mère, c'est Repentigny, tu regardes dehors, tu vois les voisins. Mais t'as la haute vitesse. Ah oui, j'ai la haute vitesse. Mes parents, on l'a pas. C'est ça, la joke. Il faut choisir entre la nature ou la techno. C'est la qualité de l'Internet est inversement proportionnelle à la qualité de la nature. Ouais, plus il y a de nature, moins il y a d'Internet. Et vice-versa. Ouais. Eh bien, c'est pas mal ça, la fin de l'émission. On a du chat! Yay! Oui, il y a de l'action dans le chat. Je suis comme, what the fuck, je suis pas habitué. J'ai de la misère à lire puis à te parler en même temps. Ben oui, ouais, moi aussi, je suis comme... trop de choses. Alors là, ce qu'il faudrait, Anne-Marie, là, c'est ce que j'espérais un peu qu'on ait... J'espérais qu'on ait rien à dire à soir pour qu'on le fasse. Mais genre, là, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver des bons sujets, mais qui sont pas assez bons que... Ou qu'on en ait tellement que, genre, on n'a plus besoin de se dire, ah oh, là, on va les garder pour quand Blob et Sean vont être là. Non, okay. On va juste faire comment? On va juste les passer. Fait que là, il faut se trouver des bons sujets. Okay. Fait que là, les gens dans le chat, là, genre... si vous avez des sujets, puis des. Lunabit dit l'achat d'une nouvelle maison, mais je pense qu'elle parle pas de. Peut-être. On pourrait parler d'acheter une maison. On parlait dans les maritimes, genre. C'est ça, soit que tu veux de la nature, puis t'es loin de la technologie. Si tu veux de la technologie, t'es poigné dans un condo à Montréal. Ben non. Tu comprends? Moi aussi, je check ça en ce moment. Tu peux aussi aller à Boucherville. Coûte cher à Boucherville? C'est Bourges. Ah. Je sais pas. Tu peux aller à Brossard. Ça aussi, t'es sur le bord du pont Champlain, fait qu'aller à Montréal, c'est comme un accès direct, fait que toutes les maisons sur le bord du pont Champlain sont toutes chères. Tu peux aller à Repentigny. Non, moi je touche pas à ça. À Repentin. Tu peux aller à Laval. Comment être raciste au Québec, moi la Rive-Nord, non. Wow, Anne-Marie, mais là, j'ai pas je le prends personnel. Je m'excuse. Je viens de la Rive-Sud. T'insultes ma race, tu m'insultes moi. T'insultes ma... T'es... Ah, mais c'est pas du racisme, ça, c'est du rivisme. Ouais, du géographisme, je sais pas. Géographisme. Rivisme. Ouais. Du bord de rivierisme, ça tu voulais dire? Mais c'est un fleuve, mais ouais. Voilà, en anglais, c'est tout river. Ça, Ah, mais... je sais pas pourquoi, là, mais genre, c'est une des affaires que j'ai appris vraiment jeune, parce que le fleuve Saint-Laurent, c'est Saint Lawrence River. Genre, tout le temps, je me disais, pourquoi est-ce qu'en français, on a un nom pour rivière puis un nom pour fleuve, quand en anglais, ça casse pas la tête puis c'est le même nom pour tout? Ben parce que nous, on est plus précis quand c'est plus gros, quand c'est plus petit. Sais. Eux autres, c'est comme genre, ben, un fleuve. C'est une Là, c'est rivière. une rivière, ouais. Mais encore là, pourquoi est-ce qu'on se casse la tête, t'sais? C'était-tu vraiment nécessaire? Les Inuits, je sais pas si c'est encore vrai, mais, ou si, je sais pas à quel point c'était vrai, mais on m'a déjà dit que les Inuits avaient quelque chose comme 20 ou 30 mots pour parler de la neige. Ah Sur des sortes de neige. Alors que nous, on va dire genre de la neige collante, puis de la neige molle, puis de la la neige à bonhomme poudre. de neige, puis de la neige à pas de bonhomme de neige parce qu'il va s'effondrer. Genre, et on a comme... Ah, puis on a de la slotch. Fait qu'on a peut-être 5 mots. Eux autres, il y en aurait comme plus. Mais j'imagine que c'est ça. Quand c'est ton quotidien, t'as plus de mots. Fait que j'imagine que ceux qui les anglophones, mais ben, ils avaient juste besoin de reverb, c'était bien en masse parce que ils ont jamais rien vu de plus large que le Mississippi. Ah, mais non, mais ouais, c'est vrai, parce qu'aux États-Unis, ils ont des fleuves, mais comme en Grande-Bretagne, peut-être qu'ils n'ont pas de fleuves. Ah C'est une île. ah! Ça coule, ça peut pas couler d'un bord ou de l'autre. Ben Ça oui, peut. mais d'avoir des rivières. Ou que ça passe au travers, puis là, c'est comme. Ça, c'est pas pareil, c'est un détroit. Ça, c'est deux îles. Détroit. What? C'est pas un détroit? Peut-être. Je sais pas ce mot-là. Je veux dire, j'ai déjà entendu ce mot-là, mais j'ai aucune idée de ce que ça veut dire, à part que ça a sûrement de la rapport avec de l'eau. Anyway, Anyway, on est c'était vraiment nos mots de profond la ce fin, soir. ça, j'imagine. Ben, écoute, comme toujours, hein, la semaine prochaine, on va essayer d'avoir joué à plus de jeux. Ah, je fais pas cette promesse-là. Je fais Mais je trop pas promets cette pas, je promesse-là. dis que je vais essayer. Ah, le pire, c'est que j'ai Ça joué à quelque chose. Hier, va. Ouais? j'ai continué ma game de Year Walk. Je vais pouvoir parler de Year Walk. Ah, ok. Mon Dieu, je suis Ben pas fou là, là. continue ma game, j'ai joué comme 10 minutes dans le métro. T'as pas Parce que là, commencé à ma mère Dunkery? était rendue plus loin que moi, j'étais comme un peu Oh! insulté. Ma Ah mère, elle oui, Year m'écrit, je suis Walk, c'est vrai. bloqué. OK, ça va être mon mot de la fin, on va dire. Ça fait 10 minutes qu'on est en mot de la fin. Fuck. C'est grave. Ma mère m'écrit, ah, oh, je suis bloqué dans Year Walk. Je suis comme, OK, je peux pas vraiment t'aider, j'étais encore un peu au début. Fait que là, j'ai fait, bon, je vais réessayer le jeu. Puis là, j'étais bloqué. Là, j'ai écrit, t'es-tu bloqué genre au hibou? Parce que je suis bloqué là. Elle dit, ben non, je suis rendu bien plus loin que ça. Je suis là, fuck. Là, elle dit, ben là, c'est facile. Je suis comme, je suis bloqué là. C'est comme, elle dit, ben là, c'est les sons, là, faut que t'écoutes. Je suis comme, je sais pas. Puis là, fait que là, j'ai finalement trouvé. Puis là, j'y ai écrit. J'ai trouvé! Yes! J'ai passé les hiboux. Puis là, je dis, ah, oh, je suis rendu dans une caverne, là. Il y a comme des sons. C'est-tu là que t'es bloqué? Elle dit, non, non, je suis plus loin que ça. Je fais, fuck. Fait que ma mère est rendue plus loin que moi. Et pas malade, ta maman. Ben, c'est le début. J'ai joué comme 20 minutes. Fait qu'elle a probablement joué 30 ou 40 minutes, si on se fie à mon timeline. Bref, c'est la fin de l'émission. Ça suffit. Si vous voulez vous abonner, on est sur iTunes, on est sur YouTube, on est sur Facebook et Twitter. Allez sur onajustunevie.ca. Il y a des pitons à gauche ou à C'est droite. vrai, hein? Il y a vraiment beaucoup de pitons. Il y a Et même des des fils pitons. d'RSS pis tout. Tu cliques là-dessus, plus. Ouais, mais les fils d'RSS. Ça marchait dans le temps, j'aimais bien ça, mais maintenant ça marche plus. Ah, Depuis que Google a tué Google Reader, j'en ai plus trouvé des pareils. pas Google Reader. Ouais, c'était bon ça. Mais Google a arrêté ça. Il n'y avait pas d'argent à faire avec ça. On est aussi distribué sur l'entreduegeek.net, mais si vous voulez des épisodes récents, allez pas là, on est comme 10 épisodes en retard. Vraiment. Je suis allé voir tantôt, puis ils sont pas encore publiés. Je sais pas trop. Je sais pas. qu'est-ce qui se passe. Non, bon, bon. Ils vont être là éventuellement. C'est comme une archive à long terme. Mm-hmm. Si vous voulez nous envoyer des sujets pour qu'on en ait plus, genre... Ça genre peut être n'importe quoi, là. Ah ouais, j'ai teasé de la lasagne tantôt, là, ouais. Ça va être un bon. Ça, ouais, c'est vrai, t'as quand même mis la barre assez haute. Fait. Faut que Blob soit là. Ouais. Du fromage? Ouais. Ça peut être une question de fromage. Blob, il est pas mal expert fromage. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit là. Mm-hmm. Merci Anne-Marie. Parce que Blob n'était pas là, mais toi t'étais là. Et on se retrouve la semaine prochaine, parce que... On a juste une vie! Je me batte avec le chat pour lui donner de l'amour parce que ça a l'air qu'il faut que je me batte avec pour lui donner de l'amour. Oh man, c'est comme le chat ma soeur. Chat ma soeur, comme. C'est quoi ton jeu? Il veut comme se faire flatter. Il veut pas se faire flatter vraiment. Là, tu le flattes un peu, puis il est comme hey! Hey, j'aime ça, cette affaire-là! Mais je m'en vais. Non, t'es con, genre, tu veux juste te flatte. Puis là, il est comme genre oh, j'aime ça! Je m'en vais! Mais t'es comme, t'es bien épais, petit chat. Où tu restes, site. Je vais pas te courir après pour te taper ses fesses. Parce qu'il aime ça. Oui. Il aime pas, en fait, il aime pas qu'on le flatte. Il aime juste qu'on lui tape les fesses. Sur le côté, genre. On ça, tape sur le côté en arrière. Ça, c'est un peu bizarre. C'est un esti de chat ortho, man. C'est un esti de tapon, son chat. J'espère que Anne-Sophie n'est pas en train de m'écouter live. Bitché contre son chat. Moi? Bitché contre ton chat? Ben non, Anne-Sophie! Baba, il est beau! Baba? T'es une estie de mouton de poêle qui fait rien que des poêles partout. Ouais, mais ça, c'est tous les chats. Sauf ceux qui n'ont pas de poêle. Tu tapes dessus, puis ça fait pfff, les poils, ils revolent. En tout cas, on parlera pas de chat à soir. On n'est pas sur le même YouTube, je pense. Non, c'est ça. Moi, mon YouTube me propose des vidéos de billes, puis Curse Gezark. Du quoi? Puis Curse Gezark. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, le channel de In a Nutshell, le channel scientifique qui t'explique des concepts métaphysiques avec des beaux dessins. Ah, c'est cool, ça. C'est le best. C'est super beau. Oui, mais le channel scientifique, là, c'est genre... comment il s'appelle? Il t'explique les trous noirs, puis les cellules. The King of Random. Ouais, c'est ça. Lui, genre, mettons, il prend de l'azote liquide, puis il fout n'importe quoi dedans pour voir ce que ça donne.